Bonjour, bonsoir, bonne nuit, salut à tous et bienvenue donc dans ce nouveau Cosmo Podcast consacré toujours au jeu de rôle sous un angle peut-être un peu théorique, on va voir, je sais pas encore trop. Et aujourd'hui consacré aux mondes imbriqués et aux réalités parallèles et télescopées, qui sont une thématique qui me tient pas mal à cœur et sans mauvais jeu de mots. Et qui vont nous permettre d'explorer avec deux invités aujourd'hui qui sont Eugénie. Salut. Enchantée. Comment ça va? Ça va bien. Bon, cool, parfait. Et Thomas. Salut Thomas. Salut. Alors, à celles et ceux qui m'entendent dans ce monde ou dans un autre, je suis retenu contre mon plein gré. Venez me chercher, s'il vous plaît. Ok, bon, ça c'est ce qu'on verra. Si quelqu'un débarque, c'est que ça a réussi et qu'on a réussi à télescoper quelque chose. En gros, pourquoi je vous ai demandé si vous vouliez bien vous exprimer à ce micro avec moi, c'était parce que je partais d'un constat. Donc, c'est que malgré une liberté qu'on a dans le jeu de rôle de manière générale, qui me paraît très très importante, puisqu'en fait, à part le dialogue, il y a très peu d'autres contraintes. Il suffit que tout le monde puisse se parler et que tout le monde comprenne à peu près ce qui se passe. On va voir ça. Est-ce qu'il est nécessaire que tout le monde comprenne? En tout cas, avec les très faibles contraintes qu'on a dans le JDR par rapport à, par exemple, le cinéma, la littérature ou le fait de développer un jeu vidéo ou tout autre support, on utilise très peu, ou en tout cas dans mon expérience, les différentes sphères de réalité possibles. Très souvent, il n'y a aucune gestion de ça, en fait. C'est-à-dire qu'on fait tout dans une seule réalité bien précise, et même on fait beaucoup d'efforts pour ancrer tout ce qui se passe dans une réalité bien précise qui est le monde de la fiction. Donc le monde de la narration, parce que surtout, surtout, surtout, on a très peur de perdre les PJ, donc les gens qui jouent avec nous, et puis de se perdre nous-mêmes dans des choses trop complexes à gérer, à comprendre et à suivre. Donc en fait, on établit une sorte de réalité, peut-être qu'on peut appeler réalité alpha, dans un temps du présent de la narration. C'est là où ça se passe, c'est le lieu où les choses, voilà, où le jeu va se dérouler. Et qui se distingue en deux parties qui sont le temps et la géographie, donc à quel moment, à quelle époque ça se passe, et dans quel sens aussi, et dans quel lieu, et est-ce qu'on va être amené à changer d'époque, est-ce qu'on va être amené à changer de lieu. En tout cas, tout ça est souvent très cadré, en tout cas, moi, dans mon expérience, c'est très très cadré. Pourtant, bon, ça c'est une petite parenthèse, on a toujours aussi l'habitude, en tant que rôliste, de naviguer entre deux niveaux de réalité. Qui est le niveau, on va dire, intradiégétique, le niveau donc de l'action, à l'intérieur du récit. Intradiégétique, c'est à l'intérieur du récit. Et le niveau extradiégétique, où là, on est autour d'une table en train de boire de la bière et manger des pizzas, et qu'on se dit, passe-moi le sel, tout en jouant aussi dans le monde du jeu, et que ça n'empêche pas du tout de faire les deux. Donc, on a l'habitude de gérer ces deux niveaux de réalité, et pourtant. Pourtant, on traite souvent pas beaucoup plus de niveaux que ça. En tout cas, encore une fois, expérience personnelle, mais j'arrête de m'excuser à partir de maintenant. Il y a pourtant, donc il y a des jeux qui proposent, qui incitent même à mettre en scène des flashbacks, des flash-forwards et tout ça, qui permettent d'explorer des mondes virtuels. Alors, de toute façon, le jeu de base est un monde virtuel, hein, le jeu de rôle. Et donc, j'identifie trois niveaux. J'aime bien les trucs en trois niveaux. Sur la mise en scène de ces mondes virtuels. Soit on évoque simplement un autre monde que celui, le temps alpha de la narration, et on évoque cet autre monde, cette autre réalité, sans avoir de pouvoir dessus. L'exemple peut-être qui parlera le plus à tout le monde, c'est la pancine dans Harry Potter, c'est-à-dire qu'on raconte un flashback en le mettant en scène. Harry met la tête dans la bassine de Dumbledore et il se retrouve dans le souvenir de Dumbledore et il se retrouve à vivre une cinématique en fait. Il n'a aucun pouvoir sur ce qui se passe parce que ça s'est déjà passé et qu'il ne peut pas agir dessus. Le deuxième niveau, c'est on joue cette autre réalité avec un pouvoir dessus plus ou moins contraint. C'est-à-dire qu'on va jouer un flashback. Moi, ça m'est arrivé dans mes parties on jouait aux ombres d'Estérène et j'ai fait une petite partie de sombre à l'intérieur. Je l'ai même fait plusieurs fois pour jouer plusieurs versions d'un même flashback raconté par des gens différents. Mais l'issue était plus ou moins écrite. C'est-à-dire qu'on a déjà plus ou moins le fin mot de l'histoire au moment où on va le jouer, mais on va le jouer contrairement à juste la cinématique du niveau 1. Le niveau 3, c'est quand carrément on substitue le présent ou le lieu de la narration à un autre et on fait une sorte de fuite en avant, c'est-à-dire qu'on efface le temps où on était à la base et on part dans les limbes d'un ailleurs qui nous permet de nous déterritorialiser, si on peut dire, en continu. L'exemple que j'ai en tête, c'est un de tes jeux, Thomas, que moi j'ai masterisé. pas très souvent, mais j'aimerais bien y revenir, c'est Influenza Minima, qui incite vachement à mettre en scène tous les futurs possibles, les flashbacks et flash-forwards en les jouant au présent pour que ça devienne un nouveau cœur de la partie et que par exemple, quand un personnage hésite entre deux choix qu'il peut faire, soit il prend à gauche, soit il prend à droite, soit il décide voilà, d'épouser sa promise, soit il décide de l'assassiner pour sauver le monde, enfin que sais-je, c'est souvent ce genre de dilemme un peu étrange. Toujours est-il que on va pouvoir jouer les deux en flash-forward pour comprendre un peu les implications de l'un et de l'autre, et les deux deviennent des réalités parallèles. D'où finalement une problématique après une introduction toujours et encore trop longue. La problématique du jour que je vous propose donc Eugénie et Thomas, c'est comment on peut tirer parti de la richesse du jeu de rôle qui est finalement basé sur une contrainte unique de dialogue et de bonne compréhension de tout le monde peut-être, pour mettre en scène des histoires de superposition de différents niveaux de réalité et de monde virtuel dignes des meilleurs Philippe K. Dick et compagnie, pour citer un maître en la matière. Est-ce que l'un de vous deux veut commencer? Ben, moi j'aime bien les trois niveaux que tu proposes. En fait, je voudrais commencer par évacuer un truc. Pour moi, enfin, déjà je fais à peu près le même constat que toi, hein, qu'on a un média qui joue sur le langage, qui a des possibilités formidables, et qu'on a souvent une culture rôliste qui nous invite à vraiment cadrer les choses, vraiment être en contrôle, parce que sinon c'est casse-gueule. Et qui a posé des verrous qui ont tout à fait du sens d'être là, hein, pour que tout le monde soit vraiment raccord sur qu'est-ce qu'on est en train de raconter ensemble, où on est, qui on est, quand on est, etc. Et c'est complètement ok, mais il y a un plaisir à faire péter ces verrous-là par moment, qui demandent parfois de la technique, qui demandent des outils ou des choses, mais après tout, pourquoi s'en priver, quoi? Je fais une différence entre cette sensation quand elle arrive dans un jeu avec MJ et quand elle arrive dans un jeu sans MJ. Si on change de dimension, en général, on change les règles du jeu. Je sais que moi, par exemple, quand je joue, ça peut m'arriver, on me dit, bah là, ton personnage fait un rêve, et le MJ commence à me raconter ce qui se passe dans mon rêve au présent, donc on va jouer ce rêve, mais moi en tant que joueuse, je connais pas la physique de cet univers-là. Qu'est-ce que je peux y faire ou pas? C'est quoi mes moves? Qu'est-ce que je peux raconter ou pas? Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir un MJ qui s'attend parce que c'est mon personnage qui rêve, c'est à moi de raconter, c'est à moi d'aller mettre de l'onirisme, de remettre des symboles, etc. Sauf que moi, c'est un peu comme quand tu vois, tu marches et quelqu'un éteint la lumière, bah moi je m'arrête. Le temps que je m'habitue au fait qu'on est dans un environnement qui pour moi a complètement changé parce que maintenant on est dans le noir. C'est un peu pareil quand on me change brutalement, on me balance dans une réalité virtuelle. Ok, c'est quoi les nouvelles règles de l'univers dans la réalité virtuelle, quoi. Dans un jeu où on a un accord explicite au préalable, c'est-à-dire qu'on va jouer type Eclipse Phase, il y a la réalité virtuelle. On sait à l'avance à peu près comment ça fonctionne. Voilà, on est tous d'accord sur le fait que quand on se plug sur un truc, on passe en réalité virtuelle, on le dit, ça, enfin, c'est OK. Quand c'est un implicite, et typiquement, voilà, on te dit, bah, tiens, ton personnage rêve, et on va jouer ton rêve, et tu t'y attendais pas du tout. Toi, tu as commencé ta campagne de mettre fan tranquillou, tu t'attendais pas à ça. Le fait de changer les règles au milieu du jeu, c'est pas la même chose, quoi. En tant que joueuse, donc du coup voilà, si je joue avec MJ et qu'on me change les règles du jeu en cours de route, ma réaction c'est soit la passivité, c'est-à-dire j'attends de voir où tu m'emmènes avec ton délire, parce que là j'ai pas de moyen de voir où on va, il n'y a que toi qui sais, soit le tâtonnement, je vais essayer des trucs pour voir, mais en fait à ce moment-là je suis pas en pleine possession de mes moyens de joueuse, quoi. C'est quelque part un délire à sens unique. C'est-à-dire que quand j'avais fait, à l'époque, j'avais écrit des billets sur un très bon blog qui s'appelle Je ne suis pas MJ, mais à propos de jouer Mindfuck, et où j'avais eu des réactions de gens qui me disaient, mais si, enfin, ce genre de truc de jouer des réalités alternées, des trucs comme ça, de percuter des mondes et tout, c'est ok, mais en gros, on a MJ sous champi et les autres qui le regardent faire son trip. Et donc, pour moi, ça fonctionne vraiment bien quand il n'y a pas de MJ et tout le monde a pris les mêmes champis. Et du coup, si on a un accord explicite préalable avant, on sait, alors ça peut être un truc très carré, hein, on va jouer des réalités avec de la réalité virtuelle, quand on se branche, on passe en réalité virtuelle, c'est carré, on est tous d'accord sur ce qu'on fait, ou on va jouer onirique, ça va partir dans tous les sens, et on est d'accord pour ça, et on est tous à égalité pour raconter, et on sait qu'on peut y aller, quoi. Il n'y a pas quelqu'un qui a un délire préconçu ou qui a la main sur le délire en fait plus que les autres. Dans ce cas-là, on va pouvoir accoupler nos délires, en fait, hybrider nos imaginations sur un truc. Et là, la sensation, elle est complètement différente. Et pour moi, là, on touche au vertige. C'était l'espèce de dichotomie que je voulais évacuer avant qu'on avance. Peut-être que je vous rends la parole. Peut-être, Thomas, tu peux nous dire un mot du coup, c'est je vais commencer juste par donner quelques références de base, puis après je redonnerai la parole à quelqu'un d'autre. On a fait un, alors c'est vieux, mais pour moi ça a été le point de départ, on a fait un podcast outsider qui s'appelle Onirisme, drogue et réalité virtuelle, en jeu de rôle, hein, pour le coup. Et en fait, on essaye de faire une archéologie quand même de tout ce qui se fait, tout ce qui se faisait déjà à l'époque en jeu de rôle. Tu vois. C'est-à-dire qu'on part pas de rien du tout, hein. Il y a plein de choses, on parlait de rêves de dragon, de Jumbra, de Garou, enfin bref, je ne vais pas détailler parce que c'est dans le podcast. Je vous en rêvais aussi à la conférence de nos modestes pommes qui s'appelle Jouer le vertige logique. Et donc, c'est quoi le jouer le vertige logique? C'est en fait justement quand on est dans une partie de jeu de rôle où on met en place plusieurs réalités différentes, et qu'on met en place une interaction entre ces réalités. C'est-à-dire qu'un personnage qui est dans une réalité peut interagir avec ce qui se passe dans l'autre réalité. Les réalités entre elles-mêmes communiquent, se contaminent. Et donc, il y a un essai en préparation, en fait, sur le sujet, qui va reprendre toute la conférence bien, bien détaillée, avec, qui va donner un gros panel de techniques. Grosso modo, ce sera le vertige logique pour les nuls, quoi, entre guillemets. Moi, j'ai hâte de lire ça. Voilà, mais si tu veux, je peux t'envoyer le brouillon. Hein. Vas-y. Comme autre référence, j'aimerais bien envoyer au podcast Je Game Moi Non Plus. Donc, c'est un podcast de jeux vidéo. Et donc, il parle de jeux vidéo qui brisent le quatrième mur. Donc, il donne plein d'exemples, hein, je ne vais pas revenir dessus. Mais il développe un concept que je trouve très intéressant et qui reste très pertinent une fois transposé au jeu de rôle. C'est le concept de troisième espace. C'est-à-dire que pour eux, en fait, il y a trois espaces dans le jeu vidéo. C'est ce qui se passe dans le jeu, ce qui se passe chez toi, en fait, chez la joueuse. Et le troisième espace, c'est quand il y a interaction entre la joueuse et le jeu, quoi. Donc typiquement, quand, par exemple... Psychomantis, je crois que c'est dans Metal Gear. Dans Metal Gear Solid. Ouais, voilà, Psychomantis te dit j'ai des pouvoirs psychiques, je peux lire dans ton esprit, et il anticipe, tu veux combattre, il anticipe tous tes coups, parce qu'en fait, typiquement, c'est la machine qui connaît tes coups, et pour réussir à gruger, alors en plus, il te montre qu'il lit dans ton esprit, il te montre toutes les sauvegardes que tu as sur ta PS, en fait. Regarde, je sais que tu joues aussi à tel jeu, donc c'est hyper méta. Et pour la seule façon de vaincre Psychomantis, c'est de changer le port de ta manette. Enfin, si tu changes ta manette de port, il n'arrive plus à lire dans ton esprit, du coup, tu peux le battre. Et bref, c'est cette manipulation-là qui procède de ce qui s'appelle le troisième espace, quoi. Et je pense qu'en jeu de rôle, tu peux retrouver aussi cette notion-là de troisième espace. Y a un truc que moi j'aime bien faire en jeu, c'est des commentaires. C'est un truc qui est très très mal vu à certaines tables, mais il y a un plaisir dans un commentaire qui est entre deux os, c'est-à-dire c'est la voix de mon personnage, mais mon personnage il n'est pas présent dans la scène, il n'y a aucune chance qu'il ait assisté à ça, mais du coup tout le monde sait ce qu'il aurait, il y a un côté confessionnel, quoi. Tout le monde sait qu'est-ce qu'il aurait pensé s'il avait été là, ou alors des fois c'est mes mots à moi clairement qui sont pas qui sont complètement anachroniques, mais pour dire son point de vue à lui sur le truc, un peu en sous-titre. Et ce genre de commentaire, on peut jamais dire est-ce que c'est vraiment la joueuse qui le dit ou est-ce que c'est vraiment le personnage, c'est pas clair. Et je pense que c'est une espèce de, ouais, entre deux eaux. Je sais pas si on peut appeler ça un troisième lieu, mais... Moi, ça me fait penser en fait à des. Y a ça un peu dans le manga où très souvent, t'as une. Enfin, moi, le manga, c'est un truc que j'admire beaucoup pour la capacité où ils ont. Alors, bien sûr, faut pas généraliser, mais c'est très souvent utilisé dans pas mal de ça. Je citerai par exemple Fullmetal Alchemist, par exemple, dans lequel il y a beaucoup ça. C'est-à-dire qu'ils vont te faire des. Ils vont jouer sur le niveau de graphisme, en fait, pour faire passer des trucs au premier degré et des trucs au second degré dans la même page. Et tu vas avoir des scènes extrêmement dramatiques avec des trucs, des dessins très détaillés dans lesquels vraiment tu sens qu'il y a des tensions dramatiques avec des trucs qui sont en train de se résoudre, des poses badass et ils sont en train de faire des révélations et des trucs. Et en petit à côté, t'as les autres persos qui sont à peine esquissés et qui font des blagues. Et on pourrait penser que ça télescope le truc et que ça pète le côté dramatique, mais en fait pas du tout. Ça le renforce au contraire parce qu'il y a les commentaires des personnages qui sont même pas forcément là, comme tu disais, et qui ajoutent un petit commentaire dans leur roleplay, si on peut dire. En tout cas, de leur personnalité, de perso, et du coup, ça va dans ce sens-là. En tout cas, sur les commentaires, moi, je sais que très souvent, je déteste ça quand je joue, d'avoir des gens qui viennent me faire des commentaires alors qu'ils ne sont pas supposés être là. Mais, enfin, je sais pas, c'est peut-être moi qui fais des fixettes là-dessus. Ça, après, c'est comme tout, hein, c'est une question de dosage. Et il y a des commentaires qui sont des validations, en réalité. Oui. Qui sont en train de dire, ok... Enfin, typiquement, enfin, je pense à un truc idiot, mais un joueur dont le personnage est une vraie connasse, qui vient d'humilier un autre personnage, si moi je me permets de dire « mais quelle connasse !» je valide le fait que c'est pas lui, enfin, je suis pas en train de croire que c'est lui qui est méchant, je suis pas en train de dire que c'est lui qui abuse en jeu. Je dis juste, c'est vraiment son personnage, il est bien joué en tant que connasse. Mais on sait que je... Enfin, voilà. Je juge pas sa façon de jouer, je juge l'action de son personnage et juste de son personnage. Tout comme tu peux faire des commentaires de troisième espace qui ont l'air déplacés et déplaisants. Je pense au donjon d'Albuck, il y a des commentaires comme ça, genre « Salut, tu viens pour l'aventure ?» Donc c'est le personnage qui a conscience d'être un personnage, quoi. Où on s'emmerde dans cette aventure, ça tu peux le sortir. En fait, si t'as la référence, tu sais que c'est pas pour critiquer la partie, quoi. C'est juste pour faire une espèce de saillie méta, quoi. Alors du coup, dans ce cas, je le comprends mieux. Enfin après, les commentaires, je suis pas non plus contre à fond. Hein, moi, ça m'est arrivé en tant que MJ de donner des points d'XP aux persos in game, quoi. Ça, je leur dis, bon bah dans le coffre, vous ouvrez le coffre, il y a 50 pièces d'or et 10 points d'XP chacun, quoi. Et en soi, où des personnages leur donnent, tu fais tenez, prenez ce point d'XP, et en fait, ils sont trop contents. Et ça casse pas l'immersion, même si, évidemment, dans l'univers du jeu, un point d'XP, ça veut rien dire, et c'est totalement virtuel. Bah, alors, si on peut aller sur ce genre de figure de style, ça m'est déjà arrivé à un jeu, alors qu'il est encore en cours de développement, qui s'appelle Couleur Béton de Manuel Bédoué. Donc, depuis, ça a peut-être changé sur la façon dont on utilise des jetons. Et en gros, on utilise des jetons pour souligner une action. On paye un jeton pour dire cette action, je veux qu'elle réussisse. Et je jouais un PNJ qui résiste à ce que veut un PJ. Et le mec me dit, écoute, fais-moi confiance. Je dis, moi je veux bien que tu me fasses confiance, mais ça va te coûter un jeton. Et c'est mon personnage qui... Enfin, c'est le personnage qui le dit avec la voix du personnage, etc. Et enfin, pareil, c'est un moment de mindfuck parce que le personnage dirait jamais ça. Mais en même temps, ça a été dit et en même temps, il paye. Et c'est le joueur qui paye. Mais c'est le personnage qui aura ce qu'il veut. Enfin, voilà, ce mélange-là entre la fiction et le méta, il est assez jouissif par moments. Du coup, là, on est en train d'évoquer le troisième espace, donc entre le monde du jeu dans lequel on mange des sangliers rôtis et on part à l'aventure, et le monde du jeu dans lequel on mange des pizzas froides et mal décongelées et de la bière chaude, mais... au-delà de ça, donc là, j'imagine qu'il y a pas mal de choses à faire. On peut aussi imaginer les jeux qui partent en méta dans lesquels tu te mets à te jouer toi-même, grand fantasme irréalisé de ma part, puisque j'ai envie de faire une partie où tu joues un scénario de survie zombie dans lequel la partie commençait dans la pièce où on était réellement en train de jouer et les zombies débarquent et en fait il faut trouver qu'il y a des fusils d'assaut planqués sous le canapé, etc. Je l'ai jamais fait parce que c'était trop difficile. Oh putain, je l'ai trouvé. Ce type a le fusil d'assaut dans son appart. On avait dit que le lieu était gardé. Venez me chercher. mais en fait, voilà, c'est trop risqué. Enfin, j'ai toujours trouvé ça trop risqué, sans doute que ça ne l'est pas complètement. Parce que donner à un joueur la capacité de jouer un autre joueur autour de la table, C'est vraiment le compte assuré. Je joue avec des gens qui se connaissent depuis trop longtemps pour que ce soit pas dangereux, même de manière totalement volontaire. Après, voilà, j'imagine que ça existe. Du coup, peut-être pour reprendre les points que tu avais commencé à citer, je faisais un petit peu le même découpage, parce que là, on commence à parler déjà de mélange, mais il y a une façon de jouer avec ces mondes imbriqués en jeu de rôle qui est d'avoir une cohérence qui existe, qui préexiste à la partie. C'est-à-dire qu'on sait, le dispositif déjà il est clair pour tout le monde. Il y a des joueuses, il y a des personnages, ce ne sera pas les mêmes. Quand il y a une joueuse qui dit un truc et quand son personnage dit un truc, on sait que c'est du roleplay ou c'est la joueuse qui parle, mais c'est hyper clair. Et puis si c'est pas clair, on demande, on dit attends, c'est toi qui dis ça ou c'est ton personnage? T'es sûr que tu fais ça? Ah non, c'était pas moi, c'était mon perso. Enfin, c'était pas mon perso, c'était moi, etc. Et c'est garanti par. Enfin, ça peut être garanti soit par la connaissance de toute la table, c'est-à-dire qu'on est assez clair. Je pense à un jeu, un tout petit jeu en une page de Com Martin, qui s'appelle L'effet Doppelganger, où en fait on joue, toutes les joueuses à la table jouent une facette différente du même personnage dans un multivers. Et du coup, les différentes personnalités, enfin non pas personnalités, mais les différentes variations de ce personnage se rencontrent et vivent des aventures ensemble. C'est un jeu qui se joue avec un Mikado. Sur la table, quand on veut faire une action, on doit retirer un Mikado, et le Mikado représente, enfin, ce qu'on fait bouger, ça représente les variations dans le multivers. Donc, on sait très bien ce qu'on fait, quoi. Quand on veut faire une action et qu'on a fait tout bouger, on sait que ça va être la merde, on sait ce qu'on a fait et on sait pourquoi. Ça peut être aussi garanti par le MJ qui a lu les règles, qui sait comment fonctionne la réalité virtuelle ou je sais pas, l'onirisme ou le passage d'un monde à l'autre, ou ça peut être aussi, je sais pas, un cas de un artefact qui ouvre une porte sur un truc, enfin, ce genre de choses. Il sait comment ça fonctionne, il sait quels artefacts ont quelles possibilités, etc. Pareil pour la magie, etc. Tout a une physique en fait. C'est-à-dire que l'expérience est reproductible. Si je touche cet artefact et que ça me fait passer dans tel autre monde, bah, si je le refais un scénar plus tard, a priori, ça refait la même chose, quoi. Après, si ça le fait pas, il y a une raison. Peut-être qu'il est abîmé, peut-être qu'il était à sens unique, peut-être que quelqu'un l'a changé de place. Enfin, mais tout a un sens, tout a une logique et tout a une physique, et on peut, à force de faire des expériences, on peut le comprendre, en fait. Quelque part, il y a un enjeu dans cette dimension qu'on doit apprivoiser. Qu'il faut comprendre et qu'il faut arriver en tant que joueur à maîtriser plutôt que subir. Et je te laisse la parole, pardon. Je t'en prie. En fait, je trouve ça super intéressant et en même temps, il y a une sorte d'impasse là-dedans. C'est-à-dire que je vais mobiliser une notion de linguistique, je ne sais pas si ça va beaucoup vous parler, mais je pense que si. C'est la différence entre le signifiant et le signifié, en fait. C'est-à-dire qu'en linguistique, on part du postulat que le signifiant n'est pas le signifié. C'est-à-dire que quand j'écris un mot, ce mot en soi, c'est des caractères abstraits qui n'ont aucun lien avec ce que c'est censé désigner. Si j'écris un micro sur une feuille, ça n'a aucun lien avec le micro réel tel que celui que j'ai devant moi, avec lequel on enregistre ce podcast. Pourtant, on fait un lien entre les deux qui est un lien totalement arbitraire, mais qui permet de se comprendre et qui sur lequel est basé le langage. Et en fait, c'est en jeu de rôle comme ça, on a pour faire en fait des liens entre les mondes comme ça. Et pour reprendre ton exemple du Mikado, je sais aussi qu'il y a un jeu, alors je sais pas comment il s'appelle, mais où il y a une tour de Kaapla aussi au milieu de la table qui symbolise plus ou moins la. Oui. Dread qui se joue avec une tour de Jenga. Et c'est ça. Et l'effondrement de la tour, en fait, c'est l'effondrement psychologique de ton perso ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus bien, mais ou enfin, en tout cas, voilà, tu peux avoir des artifices comme ça. Mais en fait, pour moi, la seule chose qu'on a trouvée et qui me paraît très très imparfaite pour signifier le comment dire, pour faire ce lien entre signifiant et signifié, c'est des chiffres en fait, c'est-à-dire des dés, des cartes éventuellement, etc., et des grilles chiffrées qui sont les feuilles de perso, plus ou moins complexes et plus ou moins élaborées. Plus ou moins mal foutu aussi, qui permettent de dire en gros le jet de dés que je vais faire va me donner un chiffre et ce chiffre va avoir une répercussion dans l'univers. Mais il y a quand même un moment où il y a un gap entre faire 12 avec son dé dans le jeu, ça n'a aucun sens dans le monde du jeu. Faire 12 veut rien dire, c'est soit mon coupant, soit il porte pas, etc. Donc, le côté des Mikado, enfin, en fait, avec les chiffres, on a une habitude parce qu'il y a un gros historique d'utilisation des chiffres et des jets de dés avec une dimension aléatoire dans le jeu de rôle. Mais avec par exemple l'exemple des Mikado, en fait, c'est hyper arbitraire. C'est-à-dire que si je fais bouger les Mikado, ça a des répercussions dans le multivers, soit, mais comment je suis censé les interpréter, que je sois MJ ou pas? C'est écrit sur le jeu. Mais du coup, c'est écrit comment? Enfin, c'est clair ou il y a des trucs bien précis ou... Je n'ai plus en tête malheureusement. Je vous invite à le consulter. On mettra le lien sur le. C'est un jeu à MJ pour le coup et c'est lui qui est chargé de faire ça. Donc je ne peux pas te répondre. Mais c'est clairement dit. Sur combien de trucs tu fais bouger, quel genre de répercussions ça peut avoir, etc. Donc du coup c'est le combien qui fait, tu vois, on remet encore de la chiffraille sur, t'as fait bouger 3 Mikado, donc il va y avoir, je sais pas, 3 monstres qui vont surgir, enfin c'est un exemple débile, mais... Je pense que c'est plus en termes d'intensité. Ouais. C'est-à-dire que si, oui, tu fais bouger tant de Mikado, mais ça va affecter un petit peu. C'est-à-dire que finalement, tu te rends compte que la couleur de tes rideaux, elle est verte. Ou alors finalement, tu te rends compte que, je sais pas, y a eu une vraie grosse variation dans le dans, dans, dans, enfin, vibration dans le multivers et ta réalité est complètement bouleversée. Je vais juste citer un dernier truc qui fera la fin de ma parenthèse et je m'excuse d'avoir un peu duré. C'est dans Inception, t'as ça en fait, puisque l'architecte qui est le personnage qui peut créer le monde dans lequel les autres vont aller, je crois que lui il va aussi d'ailleurs, je sais pas si l'architecte est dans son propre monde. Enfin, toujours, voilà, ils imbriquent des mondes comme des poupées russes les unes dans les autres, et en fait, à un moment, il y en a un qui a très très envie de pisser, et du coup, il y a une énorme dominante de l'eau et de partout, c'est-à-dire qu'il pleut à seaux, il y a des inondations et tout dans le monde dans lequel ils sont, mais personne dans ce monde fictif n'y prête attention parce que c'est la composante de leur monde, juste parce que l'architecte, en fait, il y a une dimension extra-diégétique pour le coup qui se répercute. Mais ça, c'est très bien vu, mais c'est aussi parce que c'est un film, et que dans un film, ils ont eu largement le temps de se poser la question de comment ils emboîtaient les trucs pour que ce soit logique. Dans un jeu de rôle, c'est plus dynamique, c'est peut-être plus compliqué, je sais pas. Fin de la parenthèse, excusez-moi de t'avoir coupé. Non, pas du tout. Ben, alors, pour moi, c'est pas plus compliqué parce qu'au contraire, c'est quand on joue, j'ai une expression à moi qui dit on écrit dans l'eau. C'est-à-dire que finalement, au fur et à mesure, la partie, elle est vivante et il y a plein de trucs qu'on oublie en cours de route et notamment les trucs les moins cohérents ou les trucs qui vont nous bloquer et tout ça. On a tendance à petit à petit les laisser de côté et à la fin de la partie, on se dira ça collait pas. Si vraiment on réécoute un enregistrement hyper attentivement, on se dira ah oui, mais ça collait pas. Mais en fait, on s'en rend pas compte quand on joue parce que c'est les derniers morceaux vivants de la partie qui annoncent les autres à venir, quoi. Et finalement, je pense que c'est plus simple ça que d'avoir un film qui va être jugé de bout en bout, quoi. Et on attend d'un film qui soit très cohérent. Est-ce qu'on a raison d'attendre ça d'une partie de jeu de rôle? Je ne suis pas sûre. Parce que, bon, je ne cache pas mon goût personnel, ce niveau-là de rapport à une cohérence qui est préexistante, ce n'est pas le niveau qui m'excite le plus quand on parle de réalité virtuelle, de télescopée, de monde imbriqué, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les deux niveaux suivants qui sont difficiles à discerner. Qui sont de l'ordre d'une cohérence en construction. C'est-à-dire qu'on commence, on ne sait pas où on est, on ne sait pas où on va, on ne sait pas trop comment on va se débrouiller avec ça. Mais alors, ça peut être une construction en cours par un MJ qui est responsable de ça, qui est garant de ça, mais qui ne sait pas plus que les autres en réalité où ça va et puis qui s'adapte en faisant que ça ne se voit pas. Ça, c'est un truc que je connais un peu moins bien. Mais ça peut être aussi par les joueuses. Je pense à Thomas. Moi, j'ai l'impression, après, c'est de voir ton style de jeu là-dedans. Quand on joue des parties, on avait joué, il y a des comptes rendus de parties qui sont retrouvables à Dragonfly Motel. Donc, Dragonfly Motel, c'est un jeu de Thomas pour jouer des tranches de vie à la Lynch, en gros. Et le seul truc qui est assez sûr, c'est que ça commence au Dragonfly Motel. Et on décrit, enfin, il n'y a pas de prescription sur ce que c'est que le Dragonfly Motel. Et après, c'est le bordel. Ça part dans tous les sens. On coupe les scènes n'importe où, on reprend ailleurs. On se passe des personnages. Il y a des trucs qui reviennent. Il y a des motifs récurrents, etc. C'est vraiment une vraie expérience que je recommande, mais il faut y aller en pur lâcher prise et justement pas se poser la question de est-ce que c'est logique, etc. Parce que ça ne le sera pas. Enfin, faisons l'abandon tout de suite de ça. Et je pense à cette partie qui s'appelait la reine de la vitesse. Et Thomas avait, alors que bon, je pense qu'on était sur deux façons d'aborder le truc différemment. Le jeu est le même, à la table ça donne la même chose, mais Thomas faisait des liens entre tout. Enfin, c'est l'impression que j'avais. Il y avait une grande cohérence dans la façon dont il voyait la partie, parce que il réemboîtait des trucs, il faisait des liens, il rajoutait des choses qui donnaient un sens global satisfaisant. Alors Alors même que si la métaphysique était complètement pétée, ouais, effectivement, il y avait une recherche de sens, sûrement. Ouais. De mon côté, c'était pas le cas, mais ça, j'y viendrai après. Et du coup, il y a un enjeu dans ces parties-là qui sont justement la mise en cohérence du mindfuck au maximum, même si on sait qu'on n'arrivera pas à tout avoir. Il y a une sensation de l'ordre du rodéo. C'est-à-dire, on essaye de relier des points alors qu'ils sont en train de partir en expansion totale. Ouais, c'est ça. On retient avec nos petites mains l'univers en expansion, quoi. Et on essaye de faire en sorte que ça tienne. Moi, c'est rigolo, vraiment, c'est une courte parenthèse. Je suis désolé de Vas-y, vas-y, t'interrompre tout le vas-y. temps, mais c'est passionnant aussi de t'écouter parce que je connaissais pas Dragonfly Motel. Moi, ça me fait vraiment penser à l'un de mes jeux de prédilection, c'est Sombre, et à la notion de quick shot dans Sombre, c'est-à-dire la partie en impro pure où t'as absolument rien de prévu et où tu vas faire un brainstorming au départ de création du groupe de personnages. Et c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que tu vas partir d'un grand n'importe quoi. Ou éventuellement tu tires tout au sort, c'est-à-dire tu vas dire bah, moi je suis un cuistot pizzaïolo de l'apocalypse, etc. Moi je reviens du futur, je suis un chasseur d'aliens et machin truc. Et tu vas te forcer à trouver une cohérence en disant avec des règles qui servent à ça, c'est-à-dire on a des liens entre nous obligatoires et ça, et on est obligé de les honorer, c'est-à-dire je suis ton frère et tout, et peu importe ce que ça donne. Et le seul truc qui est sûr, c'est qu'à la fin, ça finira en boucherie à la sombre, parce que de toute façon, c'est un jeu de survie, d'horreur. Alors c'est peut-être un peu réducteur de dire ça par rapport au nombre de variantes, mais globalement, toutes mes parties, à moi en tout cas, finissent à coups de couteau dans le dos, etc. Parce que de toute façon, quel que soit le mindfuck initial, ça, au contraire, tu vas vers une issue déterminée, et tout le monde la connaît autour de la table, parce qu'ils savent que ce que c'est que ce jeu, ils sont briefés pour le faire, et du coup, ils peuvent derrière enchaîner jusqu'à cette issue fatale. Du coup, je vais peut-être donner un exemple parce que c'est vrai que je parle un peu dans le vide et c'est pas forcément hyper prégnant. Je pense à une partie d'Influenza, donc le jeu de Thomas qui est là, qu'on avait joué, une des premières parties où on s'est justement dit qu'on avait pété la réalité parce que c'est un peu notre passe-temps de Et on péter. l'a bien pété, on Et l'a on bien a défoncé. bien défoncé la réalité et on avait décidé qu'on jouerait dans trois univers différents en même temps, enfin pas en même temps, mais qu'on pourrait switcher à n'importe quel moment dans la partie. Il y avait un univers de KPDP, un univers Grand Nord chamanique et un univers de post-apo un peu cracra, quoi. Forestier. C'était dans Milo. Et on s'était dit qu'on se laissait libre de le faire. Ça a commencé en. Je crois que dès la première prise de parole du premier joueur, c'est un jeu sans MJ, donc du premier joueur, il a déjà fait balancer son personnage qui se réveille successivement dans les trois univers emboîtés. Donc déjà, ça partait en bordel. Ensuite, on s'est retrouvé avec des personnages dont on avait toujours à peu près les mêmes personnages d'un univers à l'autre, mais ils n'avaient pas forcément le même âge, ils n'avaient pas forcément le même genre, et enfin, il y avait des prénoms qui se ressemblaient, mais c'était à peu près tout. Et en même temps, il y avait une continuité là-dedans, et on se retrouvait toujours à rejouer des scènes un peu similaires. C'est-à-dire qu'en gros, ils arrivaient quelque part, ils tuaient la figure d'autorité locale, et se barraient avec un trésor. Et il me semble que c'était ça. Et dans une fuite en avant vers le nord. Et autant c'était un bordel sans nom, on ne savait pas où on était, on était capable d'avoir un morphing en fait d'une pièce, enfin d'un univers à l'autre au milieu d'une fête. On est dans une fête, ambiance effectivement post-apo, cracra, etc. Et on a un morphing qui fait que petit à petit, en quelques phrases de description, on passe dans les splendeurs de Venise à la Renaissance. Et donc, voilà, il y a ce genre de choses qui était possible en jeu. Et pour revenir au fait de maintenir une cohérence, petit à petit, il y a des choses qui se sont dessinées, et notamment beaucoup amenées par Thomas, c'est pour ça que je parle de son style, c'est que petit à petit, en fait, on allait vers le nord parce que mon personnage à moi rajeunissait alors que le sien vieillissait, et quand il serait bébé au pôle nord, il ouvrirait une porte entre les mondes, et il y avait un grand dessin cosmique à tout ça. C'est totalement, raconté comme ça, c'est très cheap, mais ça avait du sens dans la partie, et ça donnait vraiment de la cohérence à ce qu'on faisait, en fait. Du coup, pour bien comprendre, c'est quoi? C'est juste un changement de skin, au sens où, comme tu changerais juste l'habillage d'une scène donnée, genre t'es dans une fête, et puis un coup ça va être une boîte de nuit ultra moderne avec de la musique donnée, et puis après tu vas switcher, et ce sera les mêmes personnages, les mêmes PNJ, mais ce sera en mode Carnaval de Venise, et puis après tu vas switcher comme ça autant de fois que tu veux. Alors il pouvait y avoir ça, mais pas que. C'est-à-dire que ça pouvait être aussi quelqu'un raconte une scène qui se passe à Venise, et un autre joueur répond par la voix d'un personnage sur un autre, on appelle ça des théâtres, nous, sur un autre univers, pour dire c'est une belle histoire que tu me racontes, mais maintenant on va s'occuper de ce qui se passe ici, dans ce niveau de réalité-là. Il y avait plein de choses possibles, en fait. Il y avait des choses qui étaient des souvenirs, et on a joué avec ça, en fait. Comment on pouvait emboîter ces réalités-là? Est-ce qu'on pouvait juste faire des changements de skin? Est-ce qu'on pouvait faire en sorte que ce soit quelque chose qui soit raconté, un souvenir raconté par un personnage, mais en fait on n'est plus dans cet univers-là depuis longtemps, parce qu'on a marché tellement longtemps qu'on a changé d'univers. Enfin, tout était possible, en fait. Et c'était juste pour donner un exemple, pour si vraiment tu veux du matos, la conférence de Thomas sur jouer en vertige logique donne en fait une espèce de foule d'exemples, de catalogue d'exemples, de tout ce qui a été possible et qu'il a déjà joué avec en partie. Souvent un compte rendu partie écrit à la clé, voire des enregistrements, comme pour le tri-théâtre, il était enregistré justement. Ok. Et du coup, ce qui m'amène au dernier niveau, qui serait peut-être ce que toi aussi tu appelais dans ton introduction en troisième étape. La fuite en avant. Ouais, moi j'appelle ça l'abandon de la recherche de cohérence, en fait. Ouais. Qui est on se fiche de la cohérence, c'est pas ça qu'on cherche. Alors, sur le plan des jeux, c'est à peine différent que ce que je viens d'évoquer, hein, parce que techniquement, on peut l'obtenir avec les mêmes jeux. Mais c'est quelque chose dans l'approche des joueuses qui y jouent, quoi, dans la façon de jouer. Et c'est ce qu'on pourrait appeler le jeu poétique. Il y a un enjeu dans l'abandon à l'expérience, à faire une exploration qui est plus dans la forme. Avec quoi on peut jouer? Le jeu de rôle, c'est du langage, on peut jouer avec le langage. Le jeu de rôle, c'est des gens autour d'une table, on peut jouer avec ce dispositif-là. Le jeu de rôle, c'est un jeu sur la joueuse et le personnage, on peut jouer à confusionner ça, etc. Et abandonner ça. Alors, il y a à la fois l'exploration de la forme et il y a aussi la rencontre. Parce que contrairement à un film ou un livre, là c'est une rencontre en live entre des gens vivants et qui ont des choses à se dire. Là maintenant, pour moi le jeu de rôle, c'est de l'art vivant. Et du coup, tous ces enjeux-là rendent le contenu, on va dire, de la fiction un peu secondaire. Enfin, on n'est pas là pour savoir qu'est-ce que mon personnage va faire dans la fiction, on est là pour savoir comment moi je vais jouer avec ça, avec cette situation-là. Je vais citer un autre jeu de Côme Martin en une page aussi, qui s'appelle La Clé des Songes, qui est un hack du jeu de Félix KF, La Clé des Nuages. Donc La Clé des Nuages, c'est un jeu poétique et symboliste dont je reparlerai peut-être plus tard. Et le hack La Clé des Songes, c'est pour jouer, en gros, ça se joue à trois. Il y a deux joueuses qui jouent des dormeuses, qui commencent en décrivant la façon dont leur personnage va s'endormir et dans quel pyjama il va. Et la troisième joueuse joue le songe. Et c'est comment chacune arrive avec, sans se concerter, hein, ça peut être, moi j'avais déjà joué, et c'était je jouais une femme dans une chambre d'hôpital qui s'endort, Et donc j'amenais toute une thématique et une ambiance qui était liée à la maladie, au fait que j'étais en blouse, que j'étais, j'avais tout un rapport aux médicaments, etc. Et l'autre joueur jouait, il me semble, un ado accro aux jeux vidéo qui s'entort la tête sur son clavier. Et lui, il apportait aussi ses autres problèmes et son univers à lui aussi. Du coup, c'est un jeu qui télescope les songes. Et justement, les trucs s'imbriquent, la façon dont les deux esthétiques se mélangent, communiquent, etc. Et comment on arrive à se dire des choses sans les dire. Et comment on arrive à symboliser des choses dont on ne se rend pas forcément compte quand on les joue. Mais a posteriori, on se dit « putain, ça avait du sens, c'était évident, c'était ça qui est... » Ce qui m'amène à évoquer la notion de shifter. En français, c'est embrayeur, je crois, et de carence. Alors, je fais une citation d'une citation, donc je ne suis pas forcément très, très à l'aise dessus, mais j'y tenais un petit peu. Donc, KF a fait toute une série d'articles sur son blog Ristretto Revenante, sur le jeu poétique, justement, c'est son kiff. Et il cite notamment un monsieur qui a étudié la poésie et qui distingue une figure de rhétorique centrale dans la poésie française qu'il appelle carence. Qu'est-ce que c'est une carence ? En fait, ça s'appuie sur... Il y a des mots en linguistique qu'on appelle des shifters ou des embrayeurs qui... désigne une chose qui n'a de sens que dans un contexte. C'est-à-dire, je suis là, qui est-je, là, c'est où, c'est quand, ça veut, enfin, si je le dis hors contexte, ça n'a aucun sens, enfin, okay, de quoi on parle. Pareil... Pour bien piger, c'est-à-dire que si tu dis « je suis là » tout de suite à ce micro, c'est pas comme si on lit sur un mur écrit « je suis là », ou oui. Si dans un bouquin, un personnage, ou dans un jeu, qu'un personnage dit « je suis là », ou voilà, c'est-à-dire que le jeu va pas se référer. Le jeu, ça peut être « je », la personne qui lit le message, en fait. Ouais. C'est ça le truc. Je précise bien pour... je vais pas t'interrompre. Ouais, n'hésite pas. Et, alors, quand on a un contexte assez clair, voilà, par exemple, si moi je dis « je suis là » dans un micro, on sait que c'est moi qui parle, on sait que le moment où je dis... Enfin, là où je dis, enfin, là c'est en termes de temps, c'est le moment de l'enregistrement et l'espace physique, c'est ce lieu secret dont on ne doit pas parler. Mais si c'est au milieu de... Enfin, en fait, tu nous expliques que tu habites dans un micro, en fait. Mais si c'est au milieu de rien, eh ben c'est plus compliqué, et notamment en poésie, quand le poème est très très court, ben, finalement... Alors, je vais carrément le citer parce que je ne dirais pas mieux que ce qu'il fait. « Les embrayeurs relient le poème à un extérieur ellipsé, ambigu et donc universel. La carence, donc le fait qu'il y ait beaucoup de ces embrayeurs-là et qui empêche une mise en contexte très claire, c'est le relatif devenu absolu. Je et quiconque s'y retrouve, hier peut être toute sorte de passé, ici et partout et nulle part à la fois. » Or, le jeu de rôle a horreur des embrayeurs carencés. Je veux dire, avant même qu'on commence un début de partie, avant même de dire « je », on commence par délimiter un cadre avec une feuille de personnage pour bien décrire qui va être « je », avant même d'en parler, qui va être « je ». On a un univers préécrit pour dire là, à quoi ça serait, quand je dis « je suis là », à quoi on fait référence. Il faut que la scène, elle soit cadrée. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui sache... et souvent c'est le MJ qui est garant de ça, qui sache exactement à quoi ça se réfère. Donc voilà, le jeu de rôle n'aime pas ça, alors qu'on pourrait jouer avec. Et KF appelle de ses voeux en fait, en disant, et si on se débarrassait de ce besoin-là de désambiguiser les embrayeurs, on pourrait commencer à construire un jeu poétique. Et il évoque Dragonfly Motel comme un jeu qui permet ça. Parce que, notamment, Dragonfly Motel, il n'y a pas de feuille de personnage. On a des petits papiers sur lesquels il y a marqué beauté, blessure, ce genre de choses. Et on peut écrire quelque chose au dos qu'on tend à quelqu'un pour prendre la parole. Et on n'a le droit de prendre la parole que quand la personne l'accepte. Et finalement, du coup, on ne construit pas vraiment une feuille de personnage avec ça. Enfin, ou en tout cas, on ne la construit pas pour nous. Et en général, ce qu'on met derrière le papier est tellement poétique que c'est pas restrictif, quoi. Quand on parle dans Dragonfly Motel, le jeu qui parle, ça peut être pas forcément le même personnage d'une scène à l'autre. On peut avoir changé, on peut décider de tout d'un coup incarner quelqu'un d'autre. Voilà, on peut décider que ce jeu n'a pas de substance. Voilà, et je retrouve assez ça. Jeu et quiconque s'y retrouve, quoi. Ça peut être n'importe quel. C'est peut-être plus facile de s'y projeter. Et des fois, c'est un jeu qui veut dire à la fois personnage et joueuse. Des fois, c'est un jeu qui est beaucoup plus restreint, etc. J'ai l'impression que cette idée-là justement d'embrayeur carencé, notamment autour du jeu, ça se retrouve aussi un peu dans Inforenza. J'ai eu beaucoup de parties où t'avais des joueuses où, en fait, il fallait vraiment attendre la toute fin de partie pour savoir qui était leur personnage. Parce qu'en fait, dans Inforenza, tu crées pas de personnage avant de jouer, quoi. C'est-à-dire que tu crées ton personnage au fur et à mesure du jeu, quoi. Et en plus, tu peux agir de façon assez délétère, enfin, genre par télépathie, tu vois, sans t'impliquer corporellement. Et donc, il y avait des joueuses qui avaient une action sur le monde via justement la télépathie, quoi. Mais en fait, tu savais pas qui était leur personnage, à quoi il ressemblait, s'il était là, s'il était tangible, intangible. Et généralement, la joueuse ne savait pas non plus elle-même, quoi. Et comme c'est un jeu poétique, il est tout à fait possible que ce personnage soit une ombre, soit un concept, le vent, le silence, ce genre de choses. Et ça en fait un personnage tout à fait valable dans ce jeu-là, quoi. Moi, j'ai une crainte quand même par rapport à ça. Alors du coup, je vais jouer un peu le pisse-froid par rapport à votre concept de jeu poétique, même si évidemment c'est super intéressant et ça me tenterait bien de tenter l'expérience. Mais c'est que j'ai une expérience un peu malheureuse en fait en la matière, si on peut dire. Je comprends maintenant pourquoi cette expérience m'avait paru un peu malheureuse sur le moment. C'est quand on a joué aux forêts mentales ensemble. Alors les forêts mentales, c'est un jeu qui se passe dans Millevaux, un jeu sur forum, et donc qui se joue à l'écrit et sans MJ. Donc on est chacun prend la parole, chacun son tour parce que c'est un forum, donc fatalement le forum lui-même fait que les messages arrivent chacun dans un certain ordre. Et du coup, on peut interagir avec les autres et ça devient vrai en soi sans besoin d'être validé par un MJ. C'est-à-dire, si je dis je te tue mais tu survis sous la forme d'un démon, enfin, je ne me rappelle pas exactement la règle, mais plus ou moins ça. C'est censé être vrai si tu l'écris. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu énonces, on accepte. Voilà, c'est ça. Et tant que ce n'est pas de l'anti-jeu, c'est-à-dire je te tue, je t'éjecte de la partie, ou là, c'est de l'anti-jeu, quoi. Mais à partir de là, en fait, moi, je sais que quand j'ai commencé à jouer aux forêts mentales avec toi, avec un groupe aussi de PJ, j'ai été vraiment en recherche de cohérence. C'est-à-dire que moi, je me suis ancré dans un perso que j'ai créé, qui était assez lapidaire, hein, c'était pas un perso ultra étoffé, mais et puis j'ai commencé à essayer de décrire ce que je faisais. Donc je me baladais corporellement, je savais à quel endroit j'étais, etc. Et en face, j'avais des mecs qui écrivaient, des mecs ou des meufs, j'en sais rien, ouais, des je litanies. Spoilais, c'était des garçons. C'était plutôt des mecs, bon, je m'en doutais un peu, et qui faisaient des litanies de trucs. Je ne comprenais rien à ce qu'ils disaient, et je ne savais pas s'ils étaient là, pas là, etc. Et maintenant, je comprends tout à fait, vu votre éclairage sur le jeu poétique, dans quelle dimension de jeu ils étaient, en fait. En fait, c'est une question de contrat social, si on veut, quoi. C'est-à-dire que je pense que quand on a fait cette partie-là, des forêts mentales, on n'a pas, c'était pas prévu que ça devienne du jeu poétique. C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui est parti là-dedans, en fait, et un autre joueur qui a pas mal embrayé. Moi, j'ai un peu embrayé aussi, mais c'est vrai que c'était pas. En fait, c'est vrai qu'il y a un joueur qui s'est mis à faire des déclamations à la Terminus Radieux, quoi, entre guillemets, quoi. Oui, c'est ça. Des espèces de scansions chamaniques, et tu savais pas si c'était quelque chose qui était raconté dans l'ozone ou si c'était une réalité dont il fallait tenir compte et tout. Mais il y avait une question de contrat social, c'est qu'on s'était pas mis d'accord pour dire vas-y, on fait du jeu poétique. Si tu fais un Dragonfly Motel, c'est vraiment acté, quoi, pour le coup. Oui, voilà. Et là, moi, où j'ai été donc, bon, perturbé à la base, mais je me suis dit que je m'adaptais et qu'il n'y avait pas de problème, Et donc j'ai continué, j'ai tenu le truc, tout en me disant, il n'y a pas de raison que je me mette moi-même à faire des espèces de tirades chamaniques à la Terminus Radieux si j'ai commencé à jouer mon perso en mode, entre guillemets, en mode normal, c'est-à-dire avec un corps en déplacement et puis des actions. Je trouvais que mon perso était barré au début, bah, je suis revenu de loin en me disant, non, en fait ça va largement, il est parfaitement bien dans sa peau. Et du coup... En fait, quand on a discuté donc à côté sur le forum où on pouvait parler hors jeu, ça je lui ai dit, mais honnêtement, j'ai du mal quoi avec ton style de jeu, je comprends pas où tu veux en venir, je comprends pas ce que je suis supposé dire à ce que tu écris quoi, comment je suis censé réagir. Et il m'a dit, c'est très bien si quelqu'un, éventuellement plusieurs joueurs, reste dans une certaine forme de réalité matérielle, etc. Donc c'est très bien, continue comme ça. D'ailleurs, dans Terminus Radio, justement, le bouquin de Volodine, le héros principal, il est hyper terre à terre, quoi. Ouais, Alors qu'à il se balade côté, avec son fusil. alors qu'à côté, le monde est bardique, chamanique, t'as ce personnage de Soloviei qui est juste une espèce de poème vivant, et en fait, les deux cohabitent. Et tu sais jamais si t'es dans la tête de Soloviei, qui est l'espèce de patriarche chaman extrêmement inquiétant et tout ça, si t'es dans sa tête, s'il a un pouvoir de magique sur le monde, en modifiant le monde et tout ça. Et moi, j'ai eu un peu cette impression-là, mais du coup, c'était pas positif. C'est-à-dire que j'ai été très frustré parce que je comprenais rien à ce qui se passait, donc je jouais un peu tout seul et je me suis dit. Si ce joueur-là veut écrire des poèmes chamaniques interminables, inspirés de mille veaux ou dans mille veaux, etc., libre à lui, mais il joue pas avec moi en fait. Il joue tout seul, de son côté. Et je me suis trouvé frustré de ça. Donc voilà, après, j'avais pas non plus forcément les clés de compréhension de son mode de jeu comme vous me les avez apportées là. Donc du coup, ça me permet de voir ça sous un nouvel angle. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas ce risque de se retrouver dans forcément une forme de, alors après c'est du coup poétique quoi, mais une forme de scansion où chacun va, enfin une sorte de cul-de-sac en fait. Est-ce que tu peux broder à l'infini autour de ça? Enfin, c'est hyper naïf hein, parce que je ne pourrais pas avoir vraiment testé, mais est-ce que tu risques pas de tourner un peu toujours à une sorte de non-sens où fatalement toutes les parties se ressembleront vachement et etc. Après, bon, quand tu fais une genre de crawling ultra classique, toutes les parties se ressemblent aussi. Hein, donc, Pense que le jeu poétique, c'est forcément une prise de risque. Mais tout comme, enfin, moi je suis pas une lectrice de poésie, et pour moi, ouvrir un livre de poésie, c'est une prise de risque. Parce que il y a 9 chances sur 10 pour que ça me parle pas. Mais par contre, quand ça me parle, ça vaut vraiment le coup, quoi. Et finalement, pour moi, c'est un peu la même chose dans le jeu poétique, c'est-à-dire où tu te retrouves dedans, tu vibres vraiment à l'unisson avec ce qu'on est en train de faire tous. Voilà, c'est une rencontre, c'est pas juste quelqu'un qui fait ça tout seul et qui impose son délire aux autres, c'est quelque chose qu'on joue ensemble et où comment dire, on communique ensemble, c'est-à-dire que c'est pas, vu qu'on n'est pas tourné vers la fiction. On est tourné sur ce qu'on fait ensemble autour de la table. On est en train de construire quelque chose ensemble, on est en train de se mettre en transe ensemble, peut-être, on est en train de ressentir des émotions ensemble, mais c'est pas le. Comme on n'est pas en train de regarder ce que font nos personnages, on est. Enfin, moi, c'est la façon dont j'aborde ce jeu-là et c'est ce qui m'intéresse dans ce jeu-là. On est là pour. Je sais pas comment dire pour. Je vais dire communiquer, mais se rencontrer, mais voilà, pour mettre nos cerveaux en résonance, en fait. Et c'est ça que j'aime, moi, dans ce jeu-là. Après, on n'est pas à l'abri du fait que ça marche pas, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se rencontrer, on tend des perches, ça tombe dans l'eau, voilà, ou alors il y a quelqu'un qui est hyper en forme et qui décolle vers les étoiles, et puis toi, t'es là avec ton bateau à rame, et tu fais, ouais, je vous attends quand vous redescendez, parce que là, je suis pas chaud, je suis pas chaud. Mais ça peut être un plaisir de spectateur aussi. Et puis ça peut être la grande frustration parce que voilà, on pensait qu'on allait décoller ensemble et on n'y arrive pas. En fait, c'est pas grave, en vrai. Enfin, je veux dire, on peut rater des parties, c'est pas grave. Oui, on va rater d'ailleurs. Et pour moi, c'est pas quelque part, c'est pas un vrai problème d'avoir eu une mauvaise expérience si on a envie d'y retourner. Est-ce que la promesse est suffisante pour avoir envie d'y retourner vis-à-vis de l'effort que ça représente? Mais ça regarde chacun, en fait. Ouais, bah tout comme tu peux aussi mettre en place des dispositifs pour que ça marche mieux. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est mon dada du moment, c'est le jeu chamanique, notamment en mettant en place des musiques, en jouant soi-même des instruments de musique. Donc jouer avec un tambour, par exemple, c'est vraiment très très bien pour ça, de façon en fait à rentrer dans une transe collective, quoi, mais que ce soit accepté par tout le monde, hein. Et puis tu peux aussi persiller le truc, c'est-à-dire que tu vas avoir des j'ai fait une expérience d'influenza comme ça chamanique, et en fait on avait une histoire qui se tenait, qui était tout à fait suivable, rôlistement parlant, mais en fait il y avait des morceaux, par moments il y avait des morceaux bardiques où par exemple mon personnage meurt assez rapidement dans la partie. Et après, je continue uniquement à intervenir de façon bardique, en fait, en faisant des déclamations qui avaient vaguement un sens, qui essayaient vaguement de transmettre quelque chose, une information, mais qui était quand même extrêmement enrobée de poésie, quoi. Et peut-être pour donner un exemple, la partie qu'on a jouée avant de venir pour revenir sur la réalité alternée, etc. Avant de venir à l'enregistrement du podcast, on a appelé ça Die Festenzard, enquête d'auteur. Donc en gros, on avait dit, on joue donc à Influenza, le jeu de Thomas, dans l'univers de Milvaux. Des gens jouent à un jeu de rôle dans un cinéma déliquescent, parce qu'il n'y a plus de cinéma depuis longtemps et que voilà, c'est important pour eux. Et ils jouent à Piège de cristal. Donc on rajoute un niveau, on joue à Piège de cristal, et quand soudain déboule dans ce cinéma des personnages d'un western qui disent non, non, non, non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est pas comme ça qu'on va jouer, etc. Et par là-dessus, il y a les joueurs, donc nous à la table, qui se sont fait des défis en disant non, mais c'est pas comme ça qu'on doit jouer. Et il y a un personnage qui répond aux joueurs en disant t'as pas à me parler comme ça, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et on a joué des conflits comme ça, de joueurs à personnage d'un personnage d'un personnage. Enfin, et on a passé notre temps à sauter d'une réalité à l'autre, à remonter. Et il y a des choses qui n'étaient pas normal, et on s'est rendu compte dans le débrief après la partie, il y a eu un truc génial, c'est qu'un personnage donc du niveau de Piège de cristal s'était en fait infiltré parmi les personnages de western pour infiltrer la réalité de Milvaux et se faire sauver alors qu'il était un terroriste. Et Ok. c'est une partie, c'est impossible de remettre à plat. Tu peux pas dire. Ça commence avec trois niveaux ou trois ou quatre niveaux de réalité assez séparés, tu vois à peu près le truc. Et au bout d'un moment, tu sais plus, t'es pas toujours sûr de qui parle. Est-ce que c'est, enfin, à quel niveau de réalité on est. T'es pas toujours sûr de qui s'adresse à qui, parce que c'est pas parce que je suis en mode personnage de Milvaux que je m'adresse à ton personnage de Milvaux. Je peux m'adresser aux joueurs, je peux m'adresser aux cow-boys. Enfin voilà. Mais du coup, ça c'est. En fait, quand tu dis c'est impossible de remettre à plat, je pense que c'est le cas dans la plupart des. Enfin, peut-être la plupart, j'en sais rien, mais dans beaucoup d'excellentes parties où en fait c'est tellement lié au personnage et au. Enfin, en fait, je dis personnage, mais je voulais dire le contraire, enfin, pas le contraire, l'alter ego, c'est-à-dire c'est tellement lié aux joueurs, joueuses autour de la table et que. Avec des relations personnelles aussi qui interfèrent en bien, c'est pas forcément interférer en mal. Et qui enrichissent le truc, qui font que quand tu remets à plat le scénario ou même le compte-rendu de ce qui s'est passé réellement, qui n'est pas du tout la même chose que le scénario, en fait, tu retranscriras pas à quel point telle réplique a claqué exactement au bon moment comme il fallait et à tel point il y avait cette tension où personne savait l'ambiguïté de dire je sais pas exactement ce qui se passe et justement c'est dans cette espèce de tension que je ressens un truc cool à jouer, quoi. Et puis là aussi, dans la partie là qu'on a jouée, il y a tellement de métadiscours que tu vois, c'est impossible à mettre en compte-rendu de partie, ça serait hyper dur, quoi. Il y a un moment, par exemple, je crois que c'est un de mes personnages qui jette les dés pour obliger Eugénie à jouer d'une certaine façon, quoi. Donc, ce genre de truc, c'est pas du tout de la diégèse, quoi, en fait. Enfin, ça en est, en fait, quelque part, on l'a refait diéger, c'est-à-dire qu'on se réapproprie méta en disant que ça devient un espace de jeu, du coup un espace fictionnel, quoi. Mais du coup, ça devient quand même extrêmement compliqué à relater, quoi. Pour le coup, il faut le vivre, quoi. Alors, en fait, moi, ce que ça me fait penser, là, de votre, j'allais dire compte-rendu, mais c'est pas un compte-rendu, du coup, de votre témoignage, pardon, c'est que, finalement, on est toujours dans une sorte de troisième stade, c'est-à-dire fuite en avant, dans le sens où on n'essaye pas de remettre absolument un sens qui serait préexistant, etc. On est plutôt dans une expérience enfin, à vivre, mais on n'est pas non plus dans du jeu poétique purement et simplement. Enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que à la fois un peu, tu vois qu'il sourit, donc peut-être un peu, mais en même temps, il y a quand même un truc qui est plus dans le, enfin, ou alors peut-être une variante, je sais plus. Dans ce théâtre, il y avait une métaphysique qui était un peu. Les contraintes créatives étaient assez claires. Après, on s'est permis des virgules, on s'est permis des choses pas claires, quoi. Il y avait un peu de brouillon poétique, mais c'était en marche, quoi. Grosso modo, la cohérence était à peu près stable. Je pense que la question du jeu poétique, c'est enfin la question de la carence qui est évoquée dans ce billet-là, c'est pas une question de il y en a ou il y en a pas. C'est est-ce qu'il y en a beaucoup ou est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup? Est-ce qu'il y en a suffisamment pour qu'on soit tous vraiment sûrs d'être sur la même longueur d'onde tout le temps et qu'on sache à quoi on fait référence? Ou est-ce qu'il y en a tellement peu qu'on ne peut pas savoir et entre les deux, c'est un long continuum, quoi. Donc, enfin, je pense qu'il n'y a pas une définition du jeu poétique qui dirait ça s'en est Oui, pas. bien sûr. Mais ça s'en rapprochait en tout cas. Disons que c'était pour donner un exemple de ce dont on parle, quoi. En plus, ça met, entre guillemets, ça huile un peu la machine de mettre du brouillage poétique. Parce que, en fait, si tu zoomais à fond sur la structure, on verrait bien que ça tient pas debout, quoi. Et donc, mettre un petit peu de la licence poétique, ça me permet juste de continuer à jouer, tu vois. Là, je pars sur un truc, je sais pas du tout si ça tient debout, bah, c'est pas grave, licence poétique, on y va, quoi. Et puis. Et un grand truc, je pense, important là-dessus, enfin, je pense que c'est pas anodin si c'est KF qui s'intéresse à ça, et c'est le symbolisme. C'est-à-dire, donc KF, il a aussi donc, écrit La Clé des Nuages, qui est un jeu symbolique. En gros, ça se joue à deux. On joue un mage qui explore des ruines pour y aboutir une quête personnelle, des ruines très mystérieuses. Et il y a une joueuse qui joue le mage et une joueuse qui joue les ruines. En soi, c'est pas du tout l'histoire d'une exploration. Enfin, en tout cas, pas telle qu'on l'imagine dans un donjon, ça n'a vraiment rien à voir, quoi. Oui, je doute. C'est une histoire d'exploration de sens et de symboles. Et finalement, les épreuves auxquelles se confronte le mage sont toujours réussies. Il a toujours l'intuition magnifique, sa magie réussit toujours parce que elle est liée à la compréhension, en fait. Et c'est jamais les ruines qui posent des énigmes, c'est en résolvant quelque chose. Le mage dit ça, c'était une énigme. Donc voilà, il y a toute une dynamique qui a vraiment rien à voir avec le jeu habituel et c'est super intéressant de s'y essayer pour ça. Et notamment bah, quand on passe de réalité à d'autres, quand on emboîte des choses et tout, il y a une figure qui est hyper importante pour moi, c'est les motifs récurrents. Et tu parlais d'Inception, du mec qui a super envie de pisser, et du coup il y a le motif de l'eau qui revient partout, qui coule, etc. Ça, c'est quelque chose que pour moi, on a en jeu symbolique très très facilement en fait. Bah, qui est lié au symbole que tu choisis pour ton personnage dans Influenza Minima, en tout cas, dans les forêts mentales aussi. Donc, c'est un truc que tu mets pas mal dans les Ouais, jeux de niveau. effectivement, ouais. C'est-à-dire que mon symbole, ça va être tout en fait. Donc, si c'est les papillons de nuit, je me rappelle qu'il y avait Bah, ça pour. si tout symbole, c'est les papillons de nuit, risque fort bien d'avoir très souvent des papillons de nuit un peu partout, C'est effectivement, ça. ça va être un truc récurrent, quoi. Mais est-ce que c'est pas extrêmement difficile de. Enfin, les faire surgir un peu partout pour dire regarde ton symbole pop un peu partout, c'est une chose, mais est-ce que c'est pas encore plus difficile d'arriver dans justement le symbole qui justement est vraiment signifiant, dit un truc vraiment comme tu peux avoir des symboles bibliques dans genre Matrix ou ces trucs-là où tu as vraiment des trucs ultra précis qui sont évoqués et qui pour le coup se prêtent à mon sens peu à l'impro ou alors il faut vraiment être un Ben, expert en symbolisme, quoi. j'aurais envie de dire au contraire. L'avantage en jeu de rôle, c'est exactement de ça que parle la clé des nuages, et je t'invite vraiment à y jouer, c'est juste magnifique. En gros, tu démarres la partie, effectivement, en tant que ruine, par exemple, tu choisis deux symboles, t'as aucune idée de ce que ça veut dire, c'est pas ton business, c'est pas à toi de décider. Donc ça peut être, mettons, une main ouverte et un œil fermé. t'es tes deux symboles, tu te débrouilles. Sur les premières scènes, tu vas décrire comment il y a une main ouverte sur le linteau de la porte et un œil fermé à la place de la serrure. C'est pas à toi de savoir qu'est-ce que ça signifie, c'est Hommage qui va se débrouiller avec ça. Lui, il a une quête qui donne du sens à tout. Si sa quête, c'est, j'en sais rien, j'aurais peut-être dû prendre des symboles que j'ai déjà joués par exemple, le coup de la main ouverte. J'ai joué ça avec KF et son mage, il voulait comprendre qu'est-ce qui avait décimé une ville. C'était sa quête. Et la main ouverte, c'est devenu la marque du deuil. En soi, là, si je vous l'annonce comme ça, t'as envie de dire, what? Enfin, c'est un peu comme les Mikado qui représentent l'univers, etc., le signifiant, le signifié. Ça n'a de sens que pour nous qui l'avons joué, parce qu'en fait, petit à petit, à force de le répéter sur les. C'était un peu partout, il a commencé. Je crois que la première scène que je lui ai donnée, et c'est ça, parce que c'est ce que tu fais quand t'es ruine, c'est que tu donnes une scène, il en fait ce qu'il veut. C'était tout un village qui s'était réuni en silence autour du four à pain. Et il y avait quelqu'un qui mettait sa main à plat sur le pain avant qu'il soit cuit, et du coup les pains qui en sortaient étaient marqués. Et pour moi, ça n'engageait à rien. Enfin voilà, c'était une scène. Pour lui, c'était évident que c'était, si je me souviens bien, un moment de deuil. Et la famille partage cette cuisson du pain ensemble pour partager un truc, genre, les vivants, comptez-vous, quoi. Et il partage ça avec eux avant de reprendre sa route. Et du coup, voilà, petit à petit, ça s'est chargé comme ça. Et moi, je le sais pas, en tant que joueuse des ruines, je le sais pas quand il le fait. Je le saurai au débrief, a posteriori. Et petit à petit, moi, j'essaye de comprendre l'énigme qu'est le mage. Et du coup, je lui renvoie les symboles régulièrement, mais sous plein... Parce que c'est pas très intéressant de mettre des papillons de nuit partout, tout le temps. Enfin, je veux dire, on s'en lasse, ça va pas grand intérêt. Oui, c'est ça. Mais par contre, si on commence à avoir, je sais pas, une sensation d'ailes duveteuses alors qu'on dort, si on se met à avoir des chrysalides, si il commence à y avoir un papillon de nuit en tatouage dans le cou de quelqu'un, s'il commence à y avoir des choses comme ça... Petit à petit, la récurrence du symbole sur des points vont commencer à le charger vraiment de sens. Et plus tu le charges de sens, plus tu l'utilises de façon maîtrisée et efficace, quoi. Parce que tu commences à avoir le truc. Et c'est quelque chose, notamment en termes de réalité virtuelle ou de trucs comme ça, tu rentres dans un monde que tu connais pas et il y a cette espèce de symbole que tu as déjà vu sur 12 programmes avant, que c'est le truc que tu cherches, tu sais pas. C'est quand même un truc assez récurrent, par exemple à l'appel de Cthulhu, quoi. Il y a des symboles qui reviennent, ton personnage est complètement paumé avec ça, mais ça symbolise ce que tu cherches aussi. Mmh. Et tu le retrouves dans un monde, enfin typiquement tu arrives à Carcosa, tu retrouves un symbole du truc que tu as cherché avant et on te va pas forcément te donner le sens, mais du coup ça fait un lien pour toi. Ta quête, elle existe, quoi. Mmh. Tu voulais ajouter quelque chose ou... Je voulais embrayer sur d'autres souvenirs de parties, d'autres expérimentations, quoi. Alors je voulais parler très rapidement du jeu de rôle Psychosis. Il y a une critique sur Radio Rollis qui est assez intéressante. Dans Psychosis, tous les personnages voient le monde d'une façon différente. C'est-à-dire que t'as un personnage qui voit le monde du jeu comme si c'était un polar, l'autre comme si c'était un Met fan. En plus, d'ailleurs, tous se trompent, hein. C'est le skin, en fait, justement. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Et du coup, là, le skin est différent pour chaque personnage, quoi. C'est-à-dire la façon dont ils voient le monde. Et en fait, aucune n'est la bonne, parce qu'en réalité, je vous spoil, hein, ils sont dans un vaisseau générationnel en hibernation, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont une vision pétée de la réalité. Hein. Alors, j'ai fait un jeu qui s'appelle C'est la Cante. Alors, il est... interdit au moins de 18 ans, tout ça. Je rentrerai pas dans le détail sensible du thème. Je vais juste... vous parler des aspects mindfuck en fait qu'il y a dans C'est la Cante. Donc c'est un jeu où on se joue soi-même, mais une version clochardisée de soi-même en fait. C'est-à-dire que c'est une version post-apo de toi-même. Donc déjà il y a un saut à ce niveau-là. On saute de cauchemar en cauchemar avec des alternances entre le monde des rêves, une réalité supérieure et le monde réel. Donc en fait il y a cette notion de ce qui est appelé le métamonde, parce que c'est C'est la Cante, c'est un hack en fait de mantra, et donc de mantra et cette de bâtonnement. Mantra, il y a cette notion de métamonde. En fait, le métamonde, c'est notre monde à nous joueurs joueuses quoi. et qui est pour les personnages une espèce de monde supérieur, quoi. Et donc il entre en jeu dans ses lacantes. Il y a des incursions génistiques. À un moment, par exemple, le MJ tombe inconscient et il faut le réanimer en faisant semblant de faire des manœuvres de réanimation, quoi. Il y a des incursions dans la vie privée des joueuses. Alors, on n'est pas obligé de jouer la vie privée des joueuses, mais si ça a été autorisé, il y a des incursions dans leur vie privée. Et notamment, tu peux avoir des incrustations de tes proches qui arrivent dans le jeu. On peut voyager dans tes meilleurs ou tes pires souvenirs en version cauchemardesque. C'est un jeu qui est censé être dirigiste, mais en fait, il y a des moments où les joueuses prennent le contrôle. Par exemple, tu rencontres... comment tu rends le jeu, genre, je sais pas si c'est l'exemple là exactement, mais ça pourrait être ça. C'est tu rencontres une personne et en fait c'est la personne que tu aurais toujours voulu être. Et donc décris-moi qui c'est, quoi. Et il y a une référence à une scène de voyeurisme qu'on a à la fin de Salo, du film Salo et les 120 jours de Sodome, où en fait il y a des. Comment. Des salopards, en fait, il y a pas d'autres mots, hein, qui sont dans une. Qui observent avec des jumelles, en fait, qui observent des scènes de torture avec des jumelles. C'est une métaphore, en fait, du public qui regarde, qui va au cinéma pour voir des horreurs. Et donc, il y a une référence dans ces lacantes où, à un moment, les personnages, en fait, se réveillent dans une chambre obscure où elles peuvent regarder l'action, en fait, une action qui est purement cauchemardesque et odieuse. Mais en fait, le fait de regarder dans l'œilleton les propulse dans l'action, elles se retrouvent dans la peau des personnages qu'elles étaient en train d'observer. Il y a, pour finir avec ces lacantes, il y a une référence à une bande dessinée qui s'appelle Judas Quentin Akefak, prisonnier des rêves. Dans cette bande dessinée, en fait, il y a un moment, tu vois sur une case, tu dis la case, et puis tu dis, mais attends, j'ai déjà vu cette case juste avant. Et les personnages à la question te font la même remarque que toi. Ils disent, mais attends, mais on a déjà dit ça. Et en fait, l'autre dit, oui, c'est normal parce qu'on est tombé dans un trou temporel. Et en fait, quand tu regardes bien, dans ta BD, la case est trouée, en fait. Il y a littéralement une case qui est trouée. Et en fait, c'est parce que tu vois par transparence. C'est pour ça qu'il y a l'impression de répétition. Et donc, dans ces lacantes... Tu vois la page de derrière. Ouais, c'est ça, ouais. Et dans ces lacantes, en fait, il y a des trous dans les cauchemars, et en fait, tu peux tomber dans des trous et retomber dans les cauchemars précédents. Il y a des trucs comme ça, une espèce de labyrinthe. Donc ça, c'était pour ces lacantes. Il y avait une partie, même si je trouve que ça commence à faire un peu pâle figure par rapport à Die for Enzard dans Enquête d'auteur, mais... On avait fait une partie avec Eugénie, on avait fait une partie des Centes. Donc les Centes, c'est un jeu de grandeur nature normalement. Et en fait, on l'a testé en jeu de rôle parce qu'on n'avait pas envie d'aller dehors, tout ça, enfin bref. Et donc on s'est joué nous-mêmes, jouant un GN. Voilà, en GNiste, donc costumé. Donc il fallait expliquer comment tu t'es costumé, des choses comme ça. Vous aviez la flemme d'aller dehors, donc vous êtes joué... autour d'une table en train de faire un GN. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Bah avec ce moment assez génial où, par exemple, je décris que mon personnage, je me sauve le long du chemin et puis je me casse la gueule et je roule dans les feuilles mortes. Et Thomas dit flashback. On a fait un atelier corporalité avant le GN et je sais que je peux prendre par les épaules pour te relever. Et pour moi, là, c'était énorme. Voilà. On fait un flashback dans un truc pour décrire l'atelier d'avant le GN, ou en fait, pour dire... GN que vous n'avez pas fait, puisque en fait, GN c'était un GN joué sur une partie classique sur table. Et à ce moment, particulièrement Zarbi, qui est le théâtre de mémoire, où en fait... est-ce que tu veux raconter le théâtre de mémoire C'est un... Donc, les Centes, c'est un jeu où la grosse mécanique, en fait, du GN, c'est qu'on doit accomplir... Nos personnages doivent accomplir des rituels. Un rituel, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Et moi, le rituel que je devais accomplir, c'était un théâtre de mémoire. Donc, c'est arrivé à faire jouer un petit théâtre à deux autres personnages qui rappellent une scène de souvenirs. Le souvenir, au moment où moi je lance le théâtre, aucun de nous n'a aucune idée de ce que c'est. C'est un truc qui va être créé au fur et à mesure, quoi. Sachant qu'il y a une contrainte, qu'il faut pas nommer Les personnages. Ouais, on nomme pas les protagonistes du souvenir, on sait pas qui c'est, quoi. Et c'est forcément un souvenir accablant. C'est oui, forcément. Ça, c'est pour ça qu'on les nomme pas, d'ailleurs, c'est parce que... voilà. Oui. Et donc, ça ne peut pas être un bon souvenir, évidemment, c'est forcément un truc dramatique. On était trois joueurs autour de la table, donc en train de se jouer nous-mêmes, en train de faire un GN, ça c'est pour ce niveau-là. Nos personnages mettent en scène un théâtre, où ils jouent donc d'autres personnages, et en fait on s'est assez vite rendu compte qu'ils se jouaient l'un l'autre, enfin les personnages se jouaient l'un l'autre, et dont un qui mettait énormément de mauvaise volonté, le personnage de Thomas, ne voulait pas avoir ce rôle-là parce que il allait jouer quelque chose d'atrocement accablant, quoi, pour lui en fait. Ouais, voilà, ça c'était un bon moment de, du coup, de jeu avec les réalités, quoi. Est-ce que c'est suffisamment emboîté là ou... Ah oui, là ça commence, ça commence à être pas mal. Tu avais d'autres exemples Juste pour clore, ce qui est intéressant dans cette scène-là, c'est aussi le côté quel impact ça a pour les personnages quand on remonte d'un niveau. Quand ils reprennent leur rôle de personnage au niveau du GN, en fait, et qu'ils doivent vivre avec ça après. Et du coup, ça devient quelque chose de chargé qui a du sens et qui est cohérent, quoi. Mais cette cohérence, elle est construite a posteriori, pas avant. Alors, moi, j'ai une question pratico-pratique, en fait, par rapport à ça. C'est un peu peut-être un des pâquerettes par rapport à ce que vous me décrivez, que je ne peux qu'imaginer. Je n'ai jamais joué à ce niveau-là d'imbrication des réalités. Est-ce qu'au départ, vous établissez tous les niveaux de réalité au départ, ou est-ce que ça se déclenche, enfin, pour ce qui est du théâtre, du coup, ça se déclenche au fur et à mesure? C'est-à-dire qu'en fait, au début, tu as cette quête qui est de faire jouer aux autres une scène de théâtre, mais eux ne le savent pas, donc tu vas devoir les amener à. Mais surtout, là il y a quoi? Il y a quatre niveaux de réalité différents. Comment vous faites pour vous comprendre de ce dont vous parlez, et est-ce que vous essayez de vous comprendre, ou est-ce que c'est à chacun de comprendre ce qu'il veut de est-ce que je suis en train de parler en tant que GNiste, que joueur autour d'une table dans le monde zéro, on va dire, ou que personnage de théâtre interprété par un personnage joué par un GNiste, lui-même joué par un joueur sur table, si j'ai bien suivi. Comment vous faites pour vous comprendre, en fait, pour que ça ne devienne pas juste ultra laborieux et extrêmement opaque et confus et... Bah, je pense qu'il faut pas hésiter des fois à refaire des mises au point en méta, quoi, si c'est nécessaire, quoi. Il y a des trucs par exemple qui étaient rigolos, c'était le troisième joueur, il faisait souvent il jouait comme un rôliste. Il jouait comme un rôliste, c'est-à-dire qu'il posait des questions méta, il dit est-ce que ça vous va si je fais ça, ou il expliquait des trucs sur son personnage. En fait, vous savez que mon personnage est comme ça. Et puis on lui disait mais non, en fait, tu peux pas parce que t'es dans un GN et t'es dans un GN immersionniste, et donc en fait. T'aurais pas en GN, t'aurais pas pu faire ça, quoi. Et donc ça, c'était rigolo, en fait. C'était, mais en même temps, ça remettait les pendules à l'heure, quoi. Et puis t'as toujours quand même des espaces de flou. Typiquement dans cette partie-là, donc je trouve très cadré, on savait quand même relativement bien où on allait. Mais il y avait ce flou qui était ces personnages qui sont joués dans le théâtre de mémoire. Eugénie est en train de nous faire jouer nos propres persos, et en fait elle dit un truc sur l'histoire de nos persos, ou est-ce que ça n'a rien à voir, est-ce que c'est une fable, tu vois. Il y a un côté pour le coup doute qui relève un peu du registre du fantastique, en fait, à ce niveau là quoi. Et après c'est aussi une question de est-ce qu'on a envie d'être subtil ou pas. Y a des fois encore une fois, tu glisses des détails, des choses, mais comme pour le fantastique, tu glisses des trucs, et il y a soit on se comprend et c'est super, soit il y a quelqu'un qui comprend pas et qui dit ok, je suis paumé, on reprend, et voilà, ou alors quelqu'un qui comprend pas et qui dit je lâche, je raccrocherai au prochain wagon, quoi. Moi, j'ai l'impression de vous écouter depuis tout à l'heure que en fait il y a deux je sais pas si on peut dire deux écoles, je crois qu'il y a largement assez d'écoles comme ça dans ce petit milieu, et que ce serait peut-être mieux qu'il y en ait moins, mais enfin en tout cas qu'il y ait moins d'affrontements entre ces écoles. Mais il y a deux manières de voir le truc avec l'invocation des mondes. Il y a le côté narratif, alors évidemment je ne les hiérarchise pas, hein, c'est, voilà, il n'y a pas une qui prévaut sur l'autre, ou qui serait mieux, mais un côté qui moi me paraît beaucoup plus naturel, et en tout cas toutes mes parties sont faites comme ça. C'est-à-dire vraiment très narratif, c'est-à-dire on va raconter une histoire, et si on utilise de l'invocation des mondes, c'est pour faire un effet mindfuck sur soit la surprise sur le scénario improbable de en fait j'ai joué un flashback, mais ce que j'ai fait dans le passé, enfin j'ai pu agir dans le passé et ça s'est répercuté dans le futur, le présent, etc. Où le passé est devenu le nouveau présent, donc on a changé de sphère de temporelle, etc. L'idée étant, par exemple, on te raconte un souvenir, du coup tu te retrouves dans ce souvenir, tu peux agir dessus, et du coup t'étais là parce que t'as agi dans le souvenir, alors qu'en fait t'étais pas là, quoi. Mais bon, bah du coup si, t'étais là, et ça n'a plus aucun sens si on essaye de remettre la ligne temporelle, mais il suffit de le dire pour que ça existe. Donc ça c'est le côté narratif, du coup qui induit forcément peut-être du dirigisme, c'est-à-dire bah, c'est quand même vachement le jeu qui va faire son truc de son côté et qui va créer un truc cohérent et le plus carré possible pour embarquer les gens. Je sais que j'en viens avec ma cohérence toujours, mais pour embarquer les autres PJ dans des effets un peu à la Philip K. Dick. Je découvre en fait depuis le début, j'ignorais tel facteur qui me fait reconsidérer la totalité de l'histoire sous un angle nouveau. Donc ça, c'est la première école qui est plutôt la mienne. Et du coup, j'utilise aussi, je remets un petit exemple. Moi, j'utilise beaucoup les références cinématographiques dans mes parties, c'est-à-dire que j'explique limite les déplacements de caméra dans la partie, quoi. C'est-à-dire, je dis là, on a un plan large, on prend du recul sur cette scène où vous êtes dans la maison et tout, et on prend du recul dans ce contexte que la maison est un petit point de lumière au milieu d'une nuit enténébrée qui fait que vous êtes tellement seul, etc. Comme dans un film où tu aurais un dézoom en fait, un travelling arrière. Et donc il y a ça, et puis il y a aussi le côté où on joue une série B, ça je le fais beaucoup dans Sombre, où je dis, bah, on joue la série B, et puis je dis, bon voilà, on se rend bien compte que ce film est fauché, il n'y a pas trop les moyens, donc l'alien il est moche, il est en carton-pâte et tout, mais il te tue quand même, parce que c'est sombre, donc tu vas te faire quand même D'ailleurs, défoncer. dans Sombre, il y a un scénario Overlord qui est censé se passer la nuit. Et en fait, Johan dit, c'est une nuit américaine, donc on y voit quand en plein Oui, c'est jour. ça, c'est un filtre bleu, ouais, c'est ça. Et moi, j'utilise vachement ça, c'est-à-dire le côté très. Tu vois, on a fait une fois un quick shot comme ça, qu'on a joué en mode redneck, un peu Far West, Far West contemporain, redneck, dans une espèce de truc de ranch, etc. Puis après, on l'a rebooté, on a fait le même, avec le même brainstorming de départ et les mêmes personnages, mais on l'a rebooté en mode film noir. En disant, maintenant, c'est polar, on est maintenant dans New York, c'est en noir et blanc et tout, et vous êtes des acteurs connus des années 50, etc. Et du coup, partie différente parce que thème différent. Et puis, comme ils avaient le souvenir de la partie précédente, ils ont joué différemment pour essayer de ne pas se faire avoir là où ils s'étaient fait avoir la première fois, etc. Et du coup, ça fonctionne bien, mais c'est toujours une logique narrative, c'est-à-dire on va essayer de. Alors que ce que vous me présentez depuis tout à l'heure, qui a l'air très très alléchant, c'est plutôt une sorte de jeu expérientiel, en fait, où on est plus là pour. Au lieu de chercher une cohérence et de chercher une bonne histoire, entre guillemets, on va plutôt chercher. En fait, on ne veut même pas forcément chercher une histoire tout court. On va plutôt chercher un moment à vivre et tous ensemble autour de notre table, parce qu'il y a quand même toujours la fameuse table de ce jeu de rôle sur table qui est quand même toujours là, et plus ou moins. Et on va ensemble emboîter des sphères de réalité jusqu'à perdre complètement pied, parce que si c'est raté, ce sera pas grave, et si c'est cool, ce sera tellement cool, quoi. Mais en vrai, pour moi, c'est ça une partie du jeu de rôle, en fait. Voilà, mais ça, c'est pas. Oui, mais après, Qu'on ça, c'est, y a des... tu peux comprendre qu'il y a des approches différentes. fasse semblant de dire que tout ce qu'il y a autour de l'histoire n'existe pas, n'empêche pas que ça existe. Et que notre façon de raconter l'histoire, elle existe. Et elle pourrait être faite de plein de façons différentes. Les joueurs autour de la table, même si on essaye d'oublier que c'est eux, il n'empêche que c'est toujours eux, qu'ils sont là, ils existent, et c'est un plan de réalité qui ne disparaît pas. Alors, sauf peut-être quand on joue en transe, ça je sais pas. Mais c'est pour moi, c'est pas un jeu qui nie l'histoire, mais qui lui accorde effectivement assez peu de place, c'est vrai. Enfin, en tout cas, pas la place omniprésente et dévorante qu'elle a dans les autres parties, c'est vrai. Mais en même temps, c'est ça aussi une partie de jeu de rôle. Toutes ces dimensions-là dont on a parlé, elles existent toujours dans une partie de jeu de rôle. Et en tout cas, c'est, enfin, sans forcément chercher à dire quelle est la bonne ou la moins bonne, etc., façon de faire, c'est de toute façon forcément hyper intéressant. Quelle que soit l'une ou l'autre des approches, que de les faire se rencontrer par moment. En fait, c'est surtout vrai dans un sens, c'est-à-dire quand tu joues des parties classiques, plus classiques, au sens de la plupart des gens jouent en mode narratif, ils racontent une histoire qui est dans le scénario qui est en général mal écrit parce que c'est une histoire de A à Z, il n'y a pas là du tout la place pour les persos, et du coup, faut essayer de les caser, mais tu sais pas trop comment parce que tout est déjà écrit et il n'y a pas le moindre blanc pour qu'ils fassent des choses. Bon, ça, c'est autre chose, mais. Et du coup, tu peux faire entrer en contact plus ou moins frontal et plus ou moins net des petits effets méta, des petits trucs, voire carrément jusqu'à arriver à un truc à la 2001, l'Odyssée de l'espace ou Solaris, des trucs comme ça, où là, à la fin, tu perds complètement le pied, tu décolles du sol et tu sais pas où t'es, quoi. Bah, en fait, le résumé de tout ça, c'est que ce jeu-là, en Vertige Logique, c'est. On joue plus avec la forme qu'on joue avec l'histoire. D'ailleurs, souvent, pour qu'on ne soit pas trop largué, on se contente d'histoires qui sont vraiment très simples, très clichés, quoi. Parce que c'est pas ça qui nous intéresse, c'est vraiment le jeu avec la forme, quoi. Oui, c'est vrai. Alors, ça, c'est un truc que je précise. Justement, j'avais fait trois billets qui décortiquaient un peu comment jouer Mindfuck, avec notamment des trucs et astuces et des pro-tips, pour justement dire. On joue devant ses pieds, quoi. On n'est pas, enfin, mon personnage, c'est un archétype. Il veut un MacGuffin et parce que si je suis déjà moi en train de chercher la subtilité de mon personnage et tout, j'ai pas la disponibilité d'esprit pour le reste qui m'en bouffe énormément et surtout c'est pas clair pour les autres. Et j'ai besoin que, alors tout le reste va déjà partir tellement en cacahuète. J'ai besoin que le perso, sa motivation, ses actions soient hyper claires. Et du coup, effectivement, la subtilité de l'histoire, on prend un énorme coup dans l'aile, quoi. C'est vrai. Alors, si tu m'accordes 5 à 10 minutes, j'aimerais bien finir, en ce qui me concerne, avec des petites incursions dans le GN, où il y a justement il y a aussi des choses par rapport le jeu avec la réalité, en fait. Bah allons-y, mais moi n'ayant absolument jamais pratiqué le gène et n'ayant qu'une image très stéréotypée et extérieure de la chose, je ne me permettrai pas le moindre commentaire. Si je le fais, coupez-moi la parole et tapez-moi. C'est noté. Ouais. Il y a un document, bon, je le place dans chaque podcast, mais c'est pas grave. Il y a un document qui me semble être de référence, en fait, sur le sujet qui nous intéresse. C'est le mémoire d'Axel Cazeneuve, donc c'est un mémoire de Emma en anthropologie qui s'appelle « Identité alternée, réalité partagée ». Donc tu vois, déjà le titre nous laisse quand même penser qu'on va trouver des billes. Et donc, notamment, alors il a plusieurs points, Axel, hein, dans ce mémoire, mais notamment, et déjà, il y a cette idée de comment que le jeu n'est pas hors du jeu, en fait, donc qu'il y a une interaction vraiment importante avec le réel. Et elle précise aussi, par exemple, que le jeu, c'est un moment à la fois totalement profane et en même temps totalement sacré, quoi. Et donc, elle explique notamment que le GN, en tout cas, cumule à la fois le simulacre, donc le fait de jouer quelqu'un d'autre, ou quelque chose d'autre, une réalité autre, et le vertige. Qui est une expérience. Alors elle part surtout de pas vraiment de vertige logique, elle part surtout de vertige psychologique parce que son mémoire porte sur les GN dits nordiques, les GN émotionnels où on va jouer des drames et ça va être hyper intense en ressenti et tout quoi. Et en fait, elle dit que ce mélange de vertige et de simulacre, c'est Roger Kawa dit ça n'existe pas dans les jeux parce que ce mélange il est réservé au sacré quoi. Et puis Axel dit, oui, mais Roger Kawa connaissait pas le GN, et dans le GN, tu as ce mélange-là. Et donc, on produit du sacré. Et parce qu'en fait, la différence entre le jeu et le sacré, c'est que le sacré est censé avoir une influence sur... c'est censé être pervasif, permanent, et avoir une influence totale sur ta vie, pas uniquement... Ça déborde du cadre du rituel, parce que ça se prolonge sous forme de croyance. Ça construit ton monde. Et en fait, elle va filer cette métaphore-là pour dire que le GN va en fait construire notre vision du monde. Elle parle en fait des GN comme des tiers-lieux, quoi. On va expérimenter des modes de vie différents, des relations sociales différentes. On va pouvoir jouer une communauté de polyamoureux, par exemple, dans l'Hier et la Vigne. Bon, c'est l'exemple que je cite à chaque fois, hein, c'est pas très original. Et le autre aspect pervasif qu'elle cite et qui est vraiment intéressant, et aussi qui est un peu mindfuck dans la structure, elle dit dans ces GN-là émotionnels, elle dit le principe qui soutient le jeu de rôle grandeur nature, alors les jeux de rôle qu'elle a étudiés, hein, parce que je pense que c'est pas généralisable, c'est C'est le care, le soutien mutuel. Alors, comprendre, il y a beaucoup de techniques de sécurité émotionnelle dans ces GN-là. Malgré le jeu en lui-même qui prend souvent l'aspect de confrontation psychologiquement violente et éprouvante. Alors déjà, il y a un truc hyper mindfuck, parce qu'en fait, tu le retrouves aussi dans un jeu de rôle drama, hein, mais c'est vraiment intensifié dans les GN, parce qu'il y a l'implication du corps. On va se dire et se faire des choses vraiment horribles, mais on le fait on est censé le faire dans une bienveillance et une écoute totale. Et en prenant super attention à l'autre. Ouais. Alors, j'avais dit que je ne venais pas, je l'ai raté, tu vois, je le savais, je sais que je n'y arriverais pas. En fait, là-dessus, moi, j'ai sorti deux articles, là, récemment, qui sont un compte-rendu de la campagne officielle des Ombres d'Estérène, que j'ai eu la chance de playtester en entier sur un an, l'année dernière, donc, avec un groupe. Et en fait, ça me fait vraiment penser à ça, c'est-à-dire qu'on était vraiment dans du jeu de rôle de tragédie grecque, au sens... Alors, c'était très dirigiste, là, enfin, plus ou moins, mais... C'était quand même vraiment des scènes assez déterminées. On savait à peu près l'issue de pas mal de scènes, pas toujours, mais quand même souvent. Et on était beaucoup plus dans comment je réagis à ce qui m'arrive plutôt que va-t-il m'arriver, quoi. Et genre, je sais très bien que je vais finir par tuer mes deux parents et être exilé nu dans les ténèbres et la forêt, mais comment vais-je vivre ça? Est-ce que je leur dirai tous que c'est leur faute et je les maudirai, ou est-ce qu'au contraire, je prendrai sur moi? Et enfin, bon, bref. Et en fait, ça rejoint exactement ça. C'est-à-dire on était vraiment. Je pense que c'est le fois que je me suis approché plus d'une sorte de transe à écouter du Vardruna à fond les ballons en buvant de la bière dans des quantités un peu trop. Et du coup, tu arrives à un moment où il est 4 heures du matin, tu joues depuis 6 ou 7 heures. T'es complètement dans le truc, parce qu'en plus l'histoire que tu poursuis depuis un an, tu connais exactement les enjeux de tous les PNJ, etc. Et ça, bon, il y a beaucoup de gens qui l'ont expérimenté, hein, c'est pas non plus une exclusivité. Tu arrives à un moment où, effectivement, tu te balances des horreurs à la tête, mais des trucs d'une violence absolument terrible, avec des moments où, en espèce de semi-transe dévastatrice, où on était tous ultra atteints au niveau psychologique et sentimental de nos persos. Tu chilles le moment, quoi. Et en même temps, voilà, c'était aussi parce qu'il y avait hors jeu, et sans ça, ça aurait été injouable, parce que c'était vraiment ultra violent dans la manière dont c'était fait, puis les choses qu'on se balançait, puis ce qu'on se faisait subir en tant que perso aussi, parce que t'as des persos où on s'est attaché émotionnellement pendant un an, et qui se font mutiler quand c'est pas tué par d'autres, en même temps qu'ils les injurient de manière atroce. Mais en même temps, entre deux, c'était entrecoupé de moments où, entre nous, on était vraiment... À se demander si ça allait, à prendre vraiment des nouvelles de. Au fait, ça a été quand je t'ai dévoré le cœur vivant et que tout en te maudissant, c'était génial, ça va, tu vois, tout. Et on s'était entrecoupé de barbecue, on était en week-end tous ensemble et on se faisait des petits moments tranquilles et tout. Le matin, on prenait le petit déj en parlant de choses et d'autres et tout. Donc il y avait ce côté très. Hardcore, mais soutenu par un vrai care, comme tu disais. Donc ouais. Voilà, ça pour dire que j'étais tout à fait d'accord. Axel explique aussi que le GN propose de réenchanter le monde, c'est-à-dire que tu joues dans le monde réel, qui te sert de décor, mais en fait, tu vas le voir avec un regard différent, avec le regard du personnage et non celui de la joueuse. Et par exemple, quand on fait du GN Milvaux, on est en forêt et on flippe, quoi. Et en fait, alors qu'on n'aurait pas eu le jeu, il n'y aurait pas eu du tout ça, quoi. Alors là, c'est plutôt le réensorcellement du monde, hein, mais on peut aussi voir la chose de façon... Il y a des GN feel good où tu vas vraiment, en fait, le lieu que tu vas visiter en GN, tu vas le réenchanter, quoi, littéralement, quoi. Ce qui est intéressant, c'est elle dit, il n'y a pas besoin de techniques immersionnistes et tout. Est-ce que l'abstraction va prendre corps grâce à l'implication émotionnelle? Et donc, elle donne une scène qui est vraiment forte. À un moment, il y a un orga qui tend à un joueur un stylo, en lui disant, ce stylo, c'est un couteau. Tu vas aller voir les autres en te pointant le stylo sur la gorge et en fait, tu fais du chantage au suicide. Et à ce moment-là, dans la partie, tout le monde est tellement impliqué émotionnellement, c'est tellement lourd de sens par rapport à tout ce qui a été vécu avant, qu'en fait, clairement, là, ils citent les témoignages de joueurs, un texto, ils disent à ce moment-là, pour moi, ça fait aucun doute, c'est un couteau. Et quand j'arrive avec le stylo sous la gorge, pour tout le monde, c'est un couteau. Autre astuce qui est complètement folle aussi dans ce GN qui s'appelle Une tranche de toi, c'est il y a un téléphone qui sonne et c'est toujours pour annoncer des mauvaises nouvelles. Et en fait, donc c'est l'orga qui utilise ça, mais elle n'utilise jamais un vrai téléphone. Alors, ce serait pourtant très simple. Elle va utiliser une télécommande, une calculatrice. Et le fait d'utiliser un autre objet, c'est juste pour dire ça, c'est le téléphone des mauvaises nouvelles. C'est pas n'importe quoi. Et en fait, ça charge, l'abstraction, en fait, va au contraire charger de sens. C'est absolument dingue. Voilà. Il y a alors, pour terminer, je voulais parler du vertige formel du gibbeform. Donc le gibbeform, c'est une forme de gène particulièrement portée vers l'abstraction. Par exemple, tu as des gènes à la Dogville où les pièces, comment les pièces et les meubles sont uniquement matérialisés par des marques de scotch au sol, quoi. Ce qui permet de voir ce qui est censé se passer dans une pièce. Parce que alors qu'en fait les personnages ne le voient pas, mais les joueurs le voient parce que du coup les murs sont invisibles, quoi. Le gibbeform, ça, c'est une forme de gène qui produit une réflexion globale sur les arts du spectacle. Par exemple, vous pouvez observer du gibbeform sur YouTube. Vous tapez "This is how we roll", gibbeform, et en fait on voit un gibbeform qui se place dans le milieu, dans le comment ça, c'est une partie de gène gibbeform. Sur la télé-réalité. Donc déjà, une grosse, grosse mise en abîme. Et là, on voit toutes les techniques. Toutes les techniques du gibbeform sont présentes, et notamment le fait que l'orga va beaucoup cadrer les joueuses, dire bah là, vous jouez telle scène, et puis il coupe la scène quand il estime que la scène, on arrive à un point intéressant. Donc on pète l'unité de temps qui est censée être ce que tu fais en gène. Non, en gène, c'est l'unité de temps. Là, on pète ça. Il peut te faire rejouer une scène, tu vois. Enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Tu as des black box et des pièces noires où tu vas jouer des flashbacks, des flash-forwards. Et il y a un gène gibbeform qui pousse les curseurs sur 15. Le gène, le destin de Juliette de Lille Clairance, qui va mixer théâtre d'impro et GN. Et en fait, grosso modo, le destin de Juliette, c'est un gène sur la genèse d'une pièce de théâtre. En fait, on a un des personnages, c'est un acteur idéaliste qui rêve à tout prix de jouer dans une pièce, qui pense cette pièce a été écrite pour lui. Il y en a un autre qui joue un auteur cynique, un autre qui joue un metteur en scène autoritaire. Et le dernier, c'est Charlie, un régisseur en tongs. Et en fait, les instructions pour les joueuses, c'est une série de chapitres qui est à peu près écrit comme une pièce de théâtre, mais surtout avec des indications scéniques, c'est-à-dire que tu n'as pas les dialogues. Les dialogues ne sont pas écrits, c'est juste des directives. Et en fait, dans les directives, il y a un flou absolument volontaire de savoir, attends, est-ce que en fait est-ce que les directives, c'est le contenu de ce que les acteurs disent dans la pièce, tu vois? Donc en fait, c'est la pièce de théâtre finie. Est-ce que c'est en fait la répétition, c'est-à-dire que du coup, ça peut être itéré plusieurs fois, parce qu'en fait, on ne sait pas si c'est une pièce qui est écrite à l'avance ou si c'est une pièce qui se construit, tu vois, pendant la répétition un peu comme si tu faisais plusieurs séances de théâtre d'impro jusqu'à arriver à une pièce finale que tu vas représenter, quoi. Et on ne sait pas non plus si en fait c'est des directives pour les personnages, parce que tu joues un acteur, en fait. Tu joues un. Enfin. Tu joues un. Et donc il y a une espèce de brouillage total, en fait, entre ton personnage qui est membre d'une troupe de théâtre, entre la diégèse en construction. Et puis entre la pièce de théâtre finale, quoi, on ne sait jamais où on est, quoi. Et voilà, là, ça c'est des vertiges qui sont pour le coup assez formels du GN. Je pense qu'ils sont transposables en JDR, mais c'était intéressant de faire un pas de côté, en fait, pour aller dans ces pratiques-là, pour voir ce qu'ils faisaient aussi. Ok, bah c'était. Je pense que ce sera le mot de la fin nous concernant. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Moi, le GN, je ne connais pas du tout, donc j'apprends. Manger des pâtes. Super. Bon, là-dessus, ce sera notre dernier mot, manger des pâtes. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis jusque-là, si vous êtes encore vivant quelque part dans une sphère de réalité ou une autre, venez me chercher. Au-delà du vertige, je le tiens avec mes kalachnikovs bien en otage dans un lieu toujours tenu secret. Merci. Merci à vous deux d'être là et de vous être prêtés au jeu. Merci à toi. Merci. Générique.